Allons, partons ensemble, là où aucun être humain n'a jamais été. Oh non, faut être vraiment malade pour continuer d'imposer ça aux gosses. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi, j'ai regardé la télé. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Mon Dieu, quelle mère indigne je fais! J'en ai marre de me faire manipuler! T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Home Alone, le rendez-vous bimensuel des Kevin McCallister de la cinéphilie des enfants qui ont raté l'avion en partance pour la salle de cinéma, de la génération qui a fait rentrer binge-watching dans le petit Robert, de tous ceux pour qui week-end rime avec Netflix and chill, le rendez-vous du cinéma à la maison. Pour les retardataires, pour rappel, depuis le pilote, on a changé de formule. Désormais, dans Home Alone, on va diffuser toutes les deux semaines et répartir nos 6 rubriques, parce que oui, il y en a maintenant une petite nouvelle, en 3 blocs. Alors, le premier bloc, celui que vous écoutiez il y a 2 semaines, c'est donc Stream Breakers, l'actualité récente ou pas des plateformes, plus le petit Dijon, histoire de faire passer tout ça. Le deuxième bloc, celui que vous écoutez aujourd'hui, c'est donc la Gazette des Galettes, l'actualité de l'édition vidéo, DVD, Blu-ray, plus message personnel, notre répondeur des auditeurs. Et enfin, le troisième bloc, celui que vous écouterez dans 15 jours, parce qu'on est tellement drôle que vous ne pourrez pas vous passer de nous, ce sera les chroniques de l'Interlace, une petite discussion autour du monde numérique et cinéphile d'hier et de demain, plus, suspense, suspense, la nouvelle rubrique j'ai nommé, Qu'est-ce que le cinéma? Un entretien court avec quelqu'un dont c'est le métier de faire des films. Voilà. Et cette semaine, donc, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, rapidement, présentons-nous à nouveau, les garçons, s'il vous plaît. Disons à nos chers auditeurs qui se cachent derrière ce mystérieux on. Alors, qui commence ce soir? Bah, on va commencer par moi. Moi, c'est toujours Jean. Toujours Jean. Jean, donc salut. Bonsoir Jean. Wesh. Jean de Lyon. Wesh Canapèche. Wesh Canapèche, voilà. Et toujours de Lyon et venu pour enregistrer ce numéro 2 à Lille. Est-ce que tu écoutes toujours Nagui le midi? Alors, je suis pas canadien, donc je l'écoute pas. Moi, je le regarde. Tu le regardes, mais... Ouais, je l'écoute aussi, mais ouais. Mais tu as su que... Bah, ce serait bientôt fini. Potentiellement, il arrête d'animer l'émission, bah oui. Mais à vérifier. Ça a dû être une grande souffrance, non, pour toi? Bah, d'autant que c'est la seule que je regarde de lui, donc oui. Ah, voilà. Et notre autre invité de Marc, ce soir, ne s'appelle pas Marc, mais... Salut, moi c'est Lucas. Voilà, bonsoir Lucas. Alors, comment te présenterais-tu à nos chers auditeurs? Je prépare un petit truc, je m'auto-définirais comme une sorte de patate de canapé auto-glorifiée. Ah, une couch potato. Voilà, c'est ça. Après, voilà, je suis une sorte de cinéphile d'un dimanche qui durerait toute la semaine. Et toute la vie peut-être aussi. Et toute la vie peut-être, on verra. C'est d'accord. Beau, ça. Et je crois aussi que tu as un mode de consommation, on va dire, puisqu'on va parler d'addiction ce soir. Tu as un mode de consommation des films qui est très, très particulier, je crois. Ah oui, c'est vrai, oui, je regarde tous mes films sur un petit écran de téléphone portable. Donc un tout petit écran, oui. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et alors, pourquoi? Bah écoute, je sais pas, j'aime bien regarder des films quand je suis dans mon bain, quand je suis en train de couler une pêche, quand je sais pas. Tu regardes des films quand tu es là où on ne peut pas... Oui, là où personne ne peut me voir regarder un film. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que tu regardes des films dans les transports en commun? Ah, vraie ouais. Question. Bah ça, c'est une bonne idée, tu vois. Est-ce que tu prends les transports en commun au quotidien? Ah oui, je fais que ça, quand je suis pas sur mon canapé, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Mais tu nous viens d'où, d'ailleurs? Oui, tu n'as pas dit. Oui, je suis toulousain. Oui, mais pas d'origine. Non, strasbourgeois à la base. D'accord. C'est bien, j'arrive à lui faire révéler des choses. Je suis content. Donc, strasbourgeois d'origine, toulousain de résidence. et cinéphile de cœur. Voilà. Très bien. Eh bien, pour terminer ces présentations, moi, je m'appelle toujours Clément. J'ai toujours 29 ans. Ça va bientôt changer d'ailleurs, mais pour le moment, c'est toujours d'actualité. Donc, 29 ans, l'âge auquel je vais recycler ma blague, selon le magazine Elle, les femmes se sentent belles, ce qui reste à prouver. Et je serai votre hôte durant toute la durée de cette émission. Voilà. Alors, les présentations étant faites, nous pouvons commencer. Et pour commencer, je vous propose d'ouvrir les hostilités, tout en bienveillance bien sûr, avec notre première rubrique du jour, la Gazette des Galettes. Merci les garçons. Générique. Les gens viennent parce qu'ils veulent regarder des films. C'est pour ça qu'ils viennent. Pourquoi tu retournes pas au vidéoclub, toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas au vidéoclub. J'ai exactement ce que vous cherchez, les jeunes. La meilleure vidéo de toute la boutique. Tu vas me promettre de voir ça. Loue-le un jour. Ça a changé ma vie. C'est qui le bébé qui a pris le Roi Lion ? Hein ? Y en a bien un qui l'a pris ! Vous louez beaucoup de vidéos. C'est vrai ? Vous devriez vous inscrire à notre vidéo fan club, c'est pour les gens qui louent un peu trop de vidéos. Mais maman, le film est pas terminé. Ne discute pas. Monsieur Stubbins a l'air de penser que ces idioties de films sont en train d'affecter ton travail scolaire. Maman, monsieur Stubbins est un con. Eh oui, oui, oui, monsieur Stubbins est un con. Oui, on l'a tous connu, ce monsieur Stubbins, hein, à cause de qui on ne pouvait pas regarder assez de films quand on était des jeunes collégiens, des jeunes lycéens. Bref, commençons la Gazette des Galettes. Alors, la Gazette des Galettes, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu donc, comme Stream Breakers que vous écoutiez il y a 15 jours. C'est un moment où l'on prendra chaque mois un petit peu de temps pour vous parler de l'actualité des sorties, mais uniquement des sorties DVD et Blu-ray. Et alors, pourquoi ce choix ? Parce que, notamment, c'est grâce au DVD que le petit Clément a découvert le cinéma d'horreur japonais quand il était ado avec ses copains. Parce que c'est grâce au DVD que Jean arrive à trouver ses films qu'on ne trouve nulle part en ligne. Parce que c'est avec eux qu'on peut construire son musée imaginaire de cinéma, pour paraphraser Malraux. Parce que c'est toujours pratique d'avoir aussi quelque chose pour caler une table basse. Et parce que, bien souvent, c'est là que bat le cœur encore bien vivant du cinéma dit « de patrimoine », fermez les guillemets, et pas seulement dans les cinémathèques. Mais trêve de blabla, lançons-nous, et cette semaine encore, à nouveau, lançons-nous dans une programmation muy caliente, avec deux films exposés d'une manière toute personnelle, ainsi qu'un film qui va nous parler de ce qui nous tente, voilà. Et je ne sais pas par lequel on va commencer, mais en tout cas, après ces trois films, nous vous donnerons également nos mentions, comme tous les mois, voilà, des petites recommandations sur lesquelles on ne s'étendra pas, mais pour lesquelles on pense que, voilà, ça pourrait vous faire fort plaisir. Et donc, les garçons, par quoi est-ce qu'on commence ce soir ? Ben, écoute, on pourrait commencer par un petit Ferrara. Un petit Ferrara, oui. Ouais. Ou même un grand Ferrara. Un grand Ferrara. Un grand Ferrara. Un petit grand Ferrara. Alors, qui fait les présentations de ce film, alors ? Je pense que c'est moi. Je t'en prie, Jean. On va donc... alors, Jean devient schizophrène. Jean m'appelle Jean. Jean is Jean. C'est vraiment très curieux, ça. Alors... On commence donc par The Addiction, un film d'Abel Ferrara, réalisateur new-yorkais d'origine italienne, si je ne me trompe pas, qui désormais vit à nouveau en Italie. Bref, un film de 1995. C'est important parce que c'est un film qui parle notamment, mais pas que, de l'épidémie du sida. Voilà, un film qui est ressorti chez Carlotta en Blu-ray, en DVD, dans une restauration 4K, il faut le dire, assez magnifique. Voilà, il faut tirer son chapeau aux éditeurs quand ils font le travail de remastering pour redonner toute leur tout leur éclat à des anciennes copies. Là, en l'occurrence, la version de The Addiction qu'on a eu le plaisir de regarder tous ensemble était assez magnifique. Je pense qu'on reparlera du travail sur l'image de ce chef opérateur dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Je sais que Ken Kelch. Voilà, Ken Kelch. Voilà, je sais que j'ai des acolytes qui sont très très très consciencieux, au contraire de moi. Donc, Abel Ferrara, un film d'Abel Ferrara. Qui est Abel Ferrara ? Pour moi, en tant que homosexuel patenté, Abel Ferrara, c'est avant tout le réalisateur d'un clip de Mylène Farmer, California, avec, je crois, si je ne m'abuse, Jean me corrigera, Gianfranco Esposito. Giancarlo Esposito, qui jouait, que vous connaissez tous de Breaking Bad, qui jouait, comment il s'appelait déjà, le grand méchant, quoi. Ouais, moi, je... Celui qui tient Polo Hermanos. Je n'ai pas regardé Breaking Bad. Mais bon, donc, Abel Ferrara, pour les homosexuels friands de Mylène Farmer qui nous écoutent, c'est donc le réalisateur du clip de California, c'est donc le réalisateur du film dont on va vous parler ce soir, The Addiction, un film dont la musique est signée de Joe Delia. Je voulais le citer quand même en introduction parce que bientôt sur Home Alone, vous entendrez notamment un petit extrait de la musique qu'il a composée pour cet autre film de Ferrara qui est Miss 45, mais bon, je ne vous spoile pas. Donc The Addiction, un film d'Abel Ferrara avec Lily Taylor, une actrice qui a continué son petit bout de chemin tout de même sur le grand écran comme sur le petit, et que là, en voyant à l'écran, je me suis dit, ah tiens, elle ressemble quand même beaucoup à cette actrice française qu'on a découverte dans Engrenage il y a quelques années et qu'on a vue dans Fête de famille de Cédric Kahn, qui s'appelle Isabelle Aimé González-Sola. C'était très étrange de revoir Lily Taylor à cet âge-là pour moi, parce qu'elle m'a beaucoup rappelé Isabelle Aimé González-Sola. Voilà. Donc un film avec Lily Taylor et également avec Christopher Walken. Bon, vous ne le verrez pas beaucoup. Il ne faut pas regarder ce film pour voir un film avec Christopher Walken. Donc Christopher Walken, pour ceux qui ne situent pas, c'est celui qui joue l'ange de la mort dans Click avec Adam Sandler. Voilà. Ouais, c'est une belle façon de. C'est pas le film que j'aurais choisi. Sa filmographie, mais c'est très cool. Mais moi, je trouve que c'est un rôle magnifique. Ouais, non, mais Christopher Walken, vous l'avez. Dans un très beau film. Il joue aussi dans tellement de films. Hein, oui, mais dans King of New York. Si vous voulez voir vraiment un rôle de Christopher Walken dans un film d'Abel Ferrara, vous pouvez regarder King of New York, évidemment, qui est un de ses films les plus connus. Oui. Et vous pouvez le voir aussi plus jeune dans un film dont j'ai parlé au premier épisode, qui est Voyage au bout de l'enfer, bien sûr. Ben oui. Mais je sais aussi que Jean, tu aimes Adam Sandler, du coup je me disais que c'était... Ah mais complètement. On a revu Click il n'y a pas si longtemps. Bah, on fait une petite parenthèse, mais enfin, voilà, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Le cinéma d'Adam Sandler n'est pas que potache. Moi j'ai trouvé que Click, c'était un très beau film sur... la manière dont on peut vouloir se saisir de son destin et finalement passer à côté des choses. Enfin, voilà. Et un très beau rôle de Christopher Walken. Bref, commençons donc à parler de The Addiction, hein, ce film qu'on a vu, dont on veut parler, qui est ressorti chez Carlotta. Moi, j'ai plein de choses à dire, mais en fait, c'est pas très, construit. La photo est très... est très particulière parce qu'à la fois c'est alors déjà on n'a plus l'habitude de voir des films en noir et blanc, mais c'est un noir et blanc très à la fois expressionniste dans le sens où il y a des jeux de contraste assez violents, assez esthétisants presque, et en même temps une finesse dans les palettes de gris. Enfin, c'est un noir et blanc qui est très très riche. Enfin, ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé face à une image noir et blanc comme ça, qui était aussi captivante à regarder. Ouais, bah en fait c'est-à-dire que ça fait partie, voilà, ça s'ancre dans la catégorie de films noir et blanc modernes qui choisissent en fait volontairement de faire du noir et blanc. Mmh. Contrairement aux très vieux films qui eux n'avaient pas forcément le choix. Ah bah non. Mais il l'avait quand même un peu. C'était une question d'argent quand même, parce que les premiers films en couleur datent depuis le début du cinéma. Bon, oui, c'était à la peinture, mais si vous pensez à Autant d'emporte le vent, c'est en 1939. Oui, il y a toujours eu des techniques de colorisation. Mais à cette époque-là, c'était rare et ça coûtait très cher. Oui, mais parce que c'était fait à la main. Mais en tout cas, oui, on pense à plein de films en noir et blanc modernes, ne serait-ce que en France, évidemment, on pense à la haine. Et il y a beaucoup, moi j'ai toujours remarqué qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont très reconnus maintenant. Ouais, non, pas dire. Il y a beaucoup de réalisateurs très reconnus, très cultes, souvent des indépendants américains d'ailleurs, qui ont commencé par un film en noir et blanc. Tu penses à Jim Jarmusch? On pense à Jim Jarmusch, mais il en a fait plusieurs. Hein. Pardon? Non, c'est moi qui voulais dire Jim Jarmusch. Tu veux parler de Jim Jarmusch? Mais vas-y, on te laisse le micro. Non, je pense à tout ce qu'on a dit sur Jim Jarmusch, qui est un réalisateur qui est adoré à cette table de façon unanime. Non, pas du tout. Oui, non, c'est ironique. Ah, pardon. Alors, mettre set the record straight, Jim Jarmusch m'ennuie. Voilà. Parfois, il me charme, parfois, il m'insupporte, mais généralement, tout le temps, il m'ennuie. Bref. Moi, c'est quelques pépites dans sa filmo, vraiment, que je trouve incroyable, mais c'est pas forcément ses films les plus appréciés, on va dire. Enfin, Patterson, en tout cas, le début de sa filmo m'a jamais trop j'ai pas plu. Réussi. Moi, c'est genre le premier qui me vient en tête quand je pense à Jarmusch, c'est Broken Flowers, quoi. C'est vraiment celui qui m'avait le plus plu. Ah, ça, c'est un grand film de mon adolescence. Ouais. Notamment parce qu'il y a. Julie Delpy. Mais non, Sharon. Mais il y a tellement d'actrices dedans. Mais Sharon! Quand même, Sharon. Bon, bref. Lucas, excuse-nous, tu étais en train de dire quelque chose. Non, moi, celui que j'avais préféré, c'était Stranger. Stranger than Paradise, je crois que ça s'appelle. Qui était, je sais pas, c'était, si je me souviens bien, c'était des gens genre de la vingtaine qui traînaient un petit peu, qui faisaient pas grand-chose, qui arrivaient dans des motels et qui en repartaient. Mais c'était, je sais pas, c'était assez joli dans mon souvenir. Et je trouve ça assez intéressant qu'on fasse ce parallèle, enfin, comment dire, qu'on parle de Jarmusch maintenant, alors qu'on s'apprête à parler de The Addiction, parce que, justement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé en voyant ce film hier soir, puisqu'on l'a regardé hier soir, c'est que Ferrara, c'est à la fois un esthète et en même temps quelqu'un qui a un grand sens du récit. C'est-à-dire que ça n'est, pour le dire en termes crus, ça n'est pas un cinéma chiant. C'est un cinéma qui a, la préoccupation du spectateur. C'est un cinéma qui donne à vivre à son spectateur et pas juste à penser et pas juste à voir. Et en ça, je trouve que plus je vois des films de Ferrara, plus je trouve que c'est vraiment un cinéaste très très riche et très très généreux. Voilà, c'est quelqu'un qui non seulement crée des images, non seulement crée des univers visuels, non seulement nous raconte des choses avec la mise en scène, mais aussi toujours accorde une importance assez salutaire, je trouve, à cette partie du film qui parfois est négligée dans le film d'auteur, entre guillemets, qui est de raconter tout simplement une histoire. Et en l'occurrence, je trouve que dans The Addiction, dans les autres films de Ferrara, il y a ce souci de donner quelque chose à vivre, en plus de donner quelque chose à regarder. Donc, puisqu'on est déjà pas mal parti à gauche et à droite en parlant de ce film, revenons donc à The Addiction. The Addiction, qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que ça raconte, Lucas? Qu'est-ce que ça raconte, Jean? Dites-nous. The Addiction, c'est donc... on suit finalement ce personnage joué par Lily Taylor, qui est une étudiante en philosophie, qui se balade dans les rues de New York. Une mordue de philosophie, on pourrait dire. Oui. Tout à fait, Jean. C'est un petit jeu de mots sur le thème du film. Exactement, ça vous dévoile un petit peu ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'elle se balade dans les rues, elle fait des rencontres qu'elle repousse un petit peu dans un premier temps. Et puis, notamment une rencontre notamment malheureuse. Notamment une rencontre malheureuse, la plus importante, qui va... changer sa vie. Changer sa vie, qui va conditionner le reste du film. Une rencontre avec une mystérieuse de la nuit. Inconnue qui l'alpague et qui l'amène dans une allée pour lui dire « Écoute, si tu veux pas, dis-moi non, repousse-moi. » Et elle le fait pas, elle s'excuse. Oui. Et elle finit par se faire mordre. Et oui, se faire mordre et, il faut qu'on le dise quand même, devenir devenir autre chose que... Oui, alors il y a clairement... Humaine. Je pense qu'il faut le dire pour nos auditeurs. En fait, The Addiction, c'est un film de vampire. Tout à fait, c'est un film de zombie. De zombies, j'allais dire, non. Bah, de zombies, oui, parce que... De zombies, presque. Hein. Il y a une scène vraiment dans le film qui, moi, c'est rare que je ressente ça en la voyant un film. Dedans. Non, non, la scène, la sorte d'orgie, en fait, de vampires, quoi. C'est rare, surtout quand c'est devant un film d'un cinéaste que j'aime autant et qui a vraiment son style. C'est rare que je pense à d'autres cinéastes, juste dans quelques plans comme ça. Tu pensais à qui? Et quand j'ai vu cette scène, vraiment, il y a des plans et la musique un peu qui m'a fait plonger d'un coup dans un mix de Romero et de Carpenter. Donc un mix de zombies et puis l'ambiance de Carpenter, peut-être du prince des ténèbres, quoi. Vraiment, ça m'avait vraiment pensé à ça. Oui, oui, oui. Mais il y a un rapport au satanisme. Mais en tout cas, oui, on est dans le film de vampire, clairement, mais un film de vampire bien détourné, hein, comme à l'habitude de Ferrara, c'est-à-dire que c'est un mec qui a un univers vraiment bien à lui, qui a ses thèmes. Et puis qui se sert d'un genre pour construire une allégorie. Ouais, toujours. Enfin, le genre, voilà, il... Mais c'est sûrement pour ça que c'est un de mes cinéastes préférés, vraiment. Mmh. Il a manié beaucoup de genres en les adaptant à son univers. En fait, c'est le genre, il est assez accessoire au final. Enfin, bah, on voit qu'il prend des codes pour traiter de quelque chose qui est très, très personnel pour lui. Là, finalement, on retrouve des choses qu'on voyait déjà dans ses premiers films. Genre Driller Killer, c'était un petit peu ça. C'était un personnage qui se baladait dans les rues de New York la nuit pour tuer des gens avec une perceuse. Il y avait un petit côté errance meurtrière qui se retrouve un petit peu, je trouve, même dans Bad Lieutenant. Mm-hmm. C'est-à-dire, on a un personnage principal qui se cherche par le meurtre, par... Et qui se perd. Ouais. Oui, c'est toujours... moi, je peux jamais m'empêcher de faire le lien entre Ferrara et Scorsese, quoi. C'est les deux cinéastes new-yorkais par excellence qui sont d'origine italienne et qui ont... des thèmes ultra récurrents. Le point commun entre les deux, clairement, c'est la religion qui revient quand même très souvent. Oui. Et puis chez Ferrara, voilà, la rédemption, le mal, enfin tout ça. Là, c'est une religion, comment dire, c'est une religion qui est incarnée par la philosophie de manière assez laïque au final. Mais il y a quand même toujours cette idée qu'il y a des gens qui ont pensé le monde et la morale avant nous. On est tributaire de ça, ça construit notre vision du monde, notre rapport au bien et au mal. Enfin, voilà, la question du bien et du mal, elle est très, très présente chez Ferrara et notamment dans ce film. Mais de toute façon, la religion, elle est évidente à l'écran, c'est-à-dire que dans les scènes qui sont expressionnistes, comme on disait, dont la scène de la première morsure, enfin... Je crois qu'ils appellent ça en américain, c'est le death kiss, quoi. C'est le baiser de la mort. Celui qui vous rend vampire. Et on peut voir justement à l'écran, là, on est vraiment, quand on dit expressionniste, c'est vraiment quasiment en mode film allemand des années 30, du Murnau, oui, des trucs ça. Comme ça. Expliquons et on voit un peu à nos auditeurs qui ne verraient pas de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle d'expressionnisme? C'est-à-dire que, purement esthétiquement, c'est surtout une histoire de contraste, voilà. Beaucoup d'ombres projetées sur des murs, des choses comme ça. Des clairs-obscurs très, très marqués. La perspective, le jeu sur la perspective, etc. Voilà. Bon, c'est là, c'est pas trop le cas dans ce film-là, mais Et là, dans plusieurs scènes du film qui sont expressionnistes, c'est pas le cas de tout le film, hein, en fait. C'est quelques scènes qui sont vraiment accentuées comme ça. On voit, il y a un moment, il y a un plan assez connu du film, je crois, où il y a comme une croix de lumière qui est sur le visage de l'actrice de Lily Taylor. Et puis, à un moment, elle est à l'hôpital, il y a une croix accrochée au-dessus du lit. Enfin, c'est évident qu'il y a tout un truc de religion. Si vous avez vu Bad Lieutenant, vous vous souvenez forcément de la scène d'Harvey Keitel qui va dans l'église. Enfin, voilà, c'est très récurrent chez Ferrara. Mais il ne voulait pas être prêtre, je crois, lui. Parce que Scorsese voulait être prêtre à la base, c'est ça la grande histoire. Mais Ferrara, je ne crois pas. Non. Mais Ferrara, il a commencé par un porno quand même, hein, pour l'anecdote. Ah, donc, c'est pas ce qui est le plus proche d'être prêtre. C'était quoi? C'est un film qui s'appelle Nine Lives of a Wet Pussy. Donc oui, voilà, vous pouvez le trouver si vous êtes débrouillard. Il est facilement trouvable et il est plutôt intéressant. Je crois que c'est une adaptation d'ailleurs d'un... d'un roman assez connu. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est un truc. Ça fait très européen au final comme film dans l'histoire. Ouais. On reconnaît des trucs. Et voilà, et il y a Ferrara qui joue dedans potentiellement. Enfin, il y a une sacrée théorie que, voilà, moi je vous en dis pas plus. Mais voilà, et peut-être point commun dont on peut parler très rapidement, mais en même temps, c'est aussi un des. En fait, Ferrara, quand même, pendant une grande partie de sa vie, c'est quelqu'un qui prenait quand même, a priori, pas mal de drogues. Et par rapport à ce film qui s'appelle The Addiction, on va y revenir. C'est évident que voilà, il y a toute une thématique de la drogue. Bah parlons de ça maintenant. Scorsese a aussi pas mal usé, mais peut-être pas du même type de drogue. C'est ça la différence, on va dire. Mais voilà. Donc on est d'accord que Ferrara a été un drogué. Voilà, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et je pense, quand on dit drogué, je pense que. Bon, on sait jamais vraiment, mais il me semble que c'était du style quand même héroïne ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas juste de la cocaïne. Scorsese, c'était cocaïne, je crois, surtout, comme pas mal de réalisateurs de cette époque-là. Hein. Ouais. Mais Ferrara, oui, je crois qu'il est vraiment tombé très bas. Mais en même temps, il a poursuivi cette envie de faire de l'art, de faire des films et tout. Et voilà. Ça l'a sauvé, je pense. Mais tout en prenant quand même encore de la drogue quand il a fait la plupart de ses grands films. Ben alors justement, moi, ce que je me suis demandé à la vision de The Addiction, c'est au moment où il fait ce film, où en est-il par rapport à sa consommation au moment où il fait ce film ? Parce que moi, j'ai l'impression que, pour le dire très clairement, The Addiction... C'est un film, non pas d'un repenti, non pas de quelqu'un qui aurait vaincu ses démons, mais de quelqu'un qui a toujours une sorte de combat en cours avec ses démons, mais qui aurait le recul pour réussir à en faire une œuvre. Et c'est... En fait, je pose la question aujourd'hui et à ce moment-là de la discussion parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être assez éclairant vis-à-vis du film. C'est-à-dire que, enfin, en 95, est-ce que, enfin, peut-être que tu ne peux pas nous le dire, enfin, peut-être que tu ne sais pas ça, voilà. Mais est-ce que tu saurais nous dire où il en est par rapport à la drogue à cette époque-là? C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler. En fait, c'est assez souvent anecdotique quand on lit une biographie ou un livre sur un réalisateur. Beaucoup de gens savent que voilà, Coppola, Scorsese, tous ces cinéastes des années 70 aux États-Unis étaient quand même plutôt drogués, addicts à la cocaïne en général. Et on fait souvent le lien entre le fait qu'ils ont fait leurs grands films quand ils étaient jeunes et sous cocaïne, et comme si après avoir arrêté, ils auraient perdu un peu de leur superbe, quoi. Ouais. Mais Ferrara, je peux pas dire, en fait, en 95, j'en sais rien, mais potentiellement, ça peut être aussi, voilà, dans l'histoire de quelqu'un qui est addict à la drogue, il y a forcément, on espère, des périodes où on arrive à décrocher, et ça dure peut-être pas, ça reprend après, mais potentiellement, peut-être qu'au moment où il fait, dans les années 90, peut-être qu'il avait un peu réussi à sortir de ça, en tout cas, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Ferrara, ça fait en gros, moi je l'ai rencontré au moins 3 ou 4 fois depuis 2010, et ça fait depuis cette époque-là, ça fait plus de 10 ans qu'il a... tout arrêté, parce qu'il buvait aussi pas mal a priori, donc il a tout arrêté. Maintenant, c'est un peu le truc, c'est drôle, mais c'est génial. En même temps, on est content pour lui, quoi. C'est qu'il est maintenant, dès qu'il va présenter un film, il dit, je marche au Perrier maintenant, quoi. Mmh. Et puis, il est avec sa bouteille de Perrier vraiment à chaque fois, quoi. Ouais, et puis 1995, à cette époque-là, j'avais 4 ans. Donc, je vais parler de ça, de mon endroit, c'est-à-dire c'est très lointain et c'est très théorique. Mais 1995, c'est quand même une année où on sait que le sida existe, on sait que le sida passe notamment par l'usage de drogues intraveineuses, et notamment l'héroïne. Et dans The Addiction, c'est un film qui, sous couvert de vampirisme, nous parle aussi de l'addiction à l'héroïne. Voilà, c'est un film où les gens s'injectent des choses. Voilà, il faut pas être trop frileux vis-à-vis de ça pour regarder ce film, parce que voilà, vous allez être mis face à des séquences où tout simplement des gens s'injectent des produits, il faut le savoir. Et voilà, c'est pour moi c'est quand même un film de son temps, et je pense que à ce moment-là de sa vie, dans son rapport à la drogue, je sais pas où il en est à ce moment-là, mais en tout cas il a conscience que s'injecter c'est un danger, et c'est un danger au-delà du simple danger de la drogue, c'est aussi un danger dans le sens où c'est un danger par rapport à un virus qui se transmet. Voilà. Et là, on rejoint cette idée du vampirisme, qui est quelque chose qui se transmet d'être en être. Voilà. Parce qu'on verra notamment dans le film comment cette Lily Taylor, qui est le personnage principal, va donc se faire vampiriser par cette femme qu'elle va croiser dans une allée obscure, qui va la mordre, puis ensuite elle va elle-même mordre des gens de son entourage, des gens qu'elle va croiser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, le film montre quand même ça, comment le mal, voilà, pour le dire très simplement, sans aucun jugement de valeur, comment le mal se répand. Voilà, c'est aussi un film là-dessus. Et pour moi... Oui, vas-y. Et pardon, Lucas. Non, je dis juste qu'il y a... Par rapport à ça, par rapport au comment le mal, enfin l'origine du mal et comment il se répand, il y a tout un pan sur les origines du nazisme aussi qui sont ah tu vois ça dans le film toi, intrinsèque au film, bah il y a toutes ces images d'archives, c'est montré explicitement, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, aussi une façon de montrer que le mal a toujours été là et il continue sous diverses formes à ce que la figure du vampire permet répandre. D'explorer. Voilà, et le vampire aussi, c'est une créature qui est extrêmement vieille, donc en fin de compte, ça fait écho à... Enfin, quand on voit des images au tout début du film, avant qu'il y ait les images de la Shoah, il y a des images de la guerre du Vietnam en premier. Lily Taylor, elle va avoir une sorte d'expo où il y a des images du Vietnam. Et ouais, le vampire, en fait, c'est quelque chose que, enfin, historiquement, c'est bien plus vieux que tout ça. Mais voilà, c'est le mal à toutes les époques. Et il met beaucoup de choses dans ce film, Ferrara, en fait. Oui. J'ai l'impression que c'est le film c'est où il a vraiment. Que j'allais vous poser. Il a vraiment tout mis dans ce film. Ouais. Peut-être trop, je ne sais pas, mais. Moi, je dirais pas trop. Je dirais beaucoup, mais pas trop. Voilà, il y a le vampirisme, la drogue, le sida, le Vietnam, la Shoah, les quartiers pauvres américains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en film. C'est beaucoup, hein, mais... Mais alors, justement, pour moi, c'est... Enfin, c'est notamment un film sur la drogue. Ça n'est pas qu'un film sur la drogue, mais c'est notamment un film sur la drogue parce que je trouve que, enfin, il y a énormément... Enfin, d'éléments qui nous permettent de saisir ce que c'est que d'être toxicomane. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, Abel Ferrara a vécu ces choses. Par exemple, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les histoires de vampires, c'est le fait que, par exemple, voilà, dans l'imaginaire populaire, dans toutes les histoires, c'est un code, c'est un trope, comme disent les Américains, le vampire, par exemple, ne peut pas rentrer chez quelqu'un qui ne l'a pas invité. Voilà. C'est un truc qu'on retrouve souvent. Et là, Ferrara pervertit cette chose-là, la tord pour servir son propos. Et là, on se retrouve face à des vampires qui disent à chaque fois à leur victime, « Dis-moi non et je te laisserai partir en paix. » Voilà. Ouais. Sauf que, en fait, il se retrouve face à des gens qui ne savent pas dire non. Et je trouve que c'est un commentaire très, très intéressant sur notre rapport à la tentation. Et je trouve que c'est un film qui nous dit, en fait, à quel point ça peut être difficile de dire non. Mais j'avoue, j'y avais pas pensé, là. Mais ce que tu dis, est-ce que tu insinues que le fait qu'ils disent « dis-moi de partir », enfin « dis-moi non ouais. », c'est une sorte de... métaphore de ce truc qui fait que toute personne qui commence la drogue, c'est parce que quelqu'un lui a proposé, quoi, en fait. Mais oui, Et oui, je pense que et en fait, il y a quand même une responsabilité manière, de la personne qui propose oui, son premier, surtout quand c'est des drogues comme l'héroïne, oui, un premier fixe à quelqu'un. Oui, c'est oui. Voilà, c'est. Je pense qu'il a, en fait, je pense que cette manière qu'il a d'insister dans le film sur le fait de dire oui ou de dire non, c'est une manière de dire, en premier lieu, c'est vous que ça regarde. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez de dire oui ou de dire non, et ensuite on tombe dans un changement d'état. Ensuite, on tombe dans une soif. Ensuite, on tombe dans une faim. Et en l'occurrence, là, c'est une métaphore. Donc, en fait, une fois qu'on n'a pas su dire non, on tombe dans une soif de sang. Mais en fait, on nous parle d'une soif de drogue, d'une soif de produit. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de presque... comment dire je dirais pas moraliste, mais... En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de quelqu'un qui a vécu la drogue, qui sait ce que c'est que de passer de ce moment très anodin où on va venir vous présenter quelque chose auquel vous pouvez dire oui ou non, mais dont vous ne saisissez pas forcément toutes les implications, jusqu'au moment où vous aurez le doigt dedans et vous serez prisonnier. Et pour ça... Moi, je trouve que c'est un film sur le rapport à la drogue qui est quand même très juste et très, très glaçant, très, très terrifiant. Et je trouve que le film regorge de beaucoup d'analogies comme ça entre le vampirisme et la drogue qui sont très, très pertinentes. Par exemple, à un moment donné, Lily Taylor dit à cette actrice qu'on n'a pas encore cité, Edie Falco, oui, c'est ça. Ouais, Edie Falco. Edie Falco, ouais. Qui, moi, j'adore sa voix. Enfin, j'aime beaucoup cette actrice qui jouait notamment dans Les Sopranos. C'était la femme, c'est ça. C'était la femme de Tony Soprano. De Tony Soprano. Et là, en fait, dans le film, Edie Falco joue une compagnonne. Comparse de faculté. C'est ça. Ouais, sa camarade de fac. Hein. C'est sa camarade de fac. Elle joue la camarade de fac donc du personnage incarné par Lily Taylor. Et à un moment donné, Lily Taylor, après sa transformation, explique à Edie Falco que chez elle, elle cache tous les miroirs. Et j'ai trouvé ça assez, assez intéressant parce que je trouvais qu'à cet endroit-là, par exemple, Ferrara arrivait à la fois à parler de ce que c'est que la toxicomanie et à la fois à parler de ce que c'est que le vampirisme. Parce que dans les codes du vampirisme, effectivement, le vampire n'a pas de reflet. Donc le vampire ne peut pas se voir, ne peut pas se voir dans un miroir. Donc en fait, clairement, si un vampire a des miroirs chez lui, il les cache. Mais il y a aussi quelque chose... où à un moment donné, Ferrara, en utilisant ça, sous prétexte de faire un film de vampire, va nous parler de ce que c'est que la toxicomanie. C'est-à-dire que la toxicomanie, c'est une manière de combler une faille narcissique. C'est quelque chose où à un moment donné, on est dans la haine de soi. Donc on n'a pas envie de se voir. Donc on va cacher le miroir pour ne pas se voir. Et c'est là que je trouve que le film est très... est très puissant parce que, bon... voilà, autour de cette table, par exemple, je pense pas qu'on soit toxicomane. Je pense pas qu'on ait un rapport d'addiction maladif au produit. Mais pour autant, on sait ce que ça peut faire. Voilà. Et je trouve qu'à plein d'endroits, par les métaphores que Ferrara fait en place, il arrive à toucher ça du doigt d'une manière très, très... Et on sait ce que ça peut faire. Ce qui est curieux, c'est que moi, en tout cas, et je pense la plupart des gens que je connais, on sait ce que ça fait l'héroïne, par exemple, grâce à une seule chose, c'est le cinéma, en fait. Hein. On l'a vu qu'au cinéma, c'est en vrai. Fait. Hein. On ne l'a pas vu ailleurs, ou potentiellement dans des livres. Hein, mais voilà, on a vu ça au cinéma. Si vous avez vu, je crois que c'est un film des années 50. Il y a un film qui s'appelle L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger où c'est un mec justement qui essaie de raccrocher de l'héroïne. Avec et qui va passer, Frank Sinatra. Ouais. Frank Sinatra qui va être dans une chambre d'hôtel enfermée. Et voilà, ça fait partie des films de cinéma qui nous ont montré que ça a l'air d'être vraiment très très dur physiquement, le manque quand vous êtes addict à l'héroïne. Et je pense qu'il suffit d'avoir essayé une fois pour que voilà, ça, le manque soit là. Quoi. Enfin, ouais. Une fois suffit. Ouais. Et donc, ouais, enfin, les le rapport au manque, je trouve que, par exemple, dans The Addiction, il est montré d'une manière assez implacable, ouais. Notamment dans les séquences où le personnage de Lily Taylor, justement, se retrouve chez Christopher Walken. Ouais. Voilà. Et puis même dès le début du film, enfin le parallèle, enfin si vous connaissez des films qui auraient fait une analogie entre le vampirisme et la drogue, dites-le nous parce que moi personnellement j'avais pas vu ça avant ni après et ça marche, ça paraît évident quand on le voit dans ce film, c'est-à-dire ouais. que elle s'est fait mordre la première fois, elle rentre chez elle et voilà on a la scène classique de l'addict à l'héroïne qui est recroquevillé dans son lit, qui est en sueur, qui est trop mal et tout, et du manque de produits, qui a besoin de son fixe. Et un vampire, c'est pareil, quand on voit les films de vampires, le vampire qui vient juste de se faire mordre, il se sent très mal, et parce qu'il comprend pas qu'il est un vampire en général, et il sait pas ce qu'il doit faire, il sait pas qu'il doit aller chercher du sang, il sait pas qu'il doit aller mordre quelqu'un. Ouais, donc il y a cette chose aussi, oui c'est ça, d'apprendre à connaître ce nouvel état. On ne connaît pas, c'est une découverte et c'est pas très agréable a priori. Et il y a aussi, je trouve, dans ce film, une manière de parler de l'addiction aussi comme d'un rapport à la mortalité. C'est-à-dire que donc, le personnage de Lily Taylor, très tôt dans le film, devient un vampire. Voilà, donc un vampire, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est quelqu'un qui continue à vivre. Et je trouve que le film montre bien ce que c'est que l'état de quelqu'un qui est sous emprise d'un produit, sous emprise d'un stupéfiant et de son rapport à la mortalité. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un délire d'immortalité, il y a un sentiment de puissance. Et en même temps, la faiblesse que nous inflige le produit nous fait prendre une conscience extrêmement aiguë du fait qu'on est mortel et du fait qu'on va finir par mourir. Et par exemple, à un moment donné, moi je trouve qu'il y a une séquence qui est très pertinente par rapport à ça, c'est le moment où justement Lily Taylor avec Eddie Falco se retrouve dans les toilettes de la fac et où Lily Taylor s'arrache une dent et dit à Eddie Falco « Regarde, je pourris de l'intérieur, mais je ne meurs pas. » Voilà. Et pour moi, à ce moment-là, elle montre exactement ce que c'est que d'être sous l'emprise d'un produit qui fait à la fois se sentir extrêmement immortel et extrêmement mortel. C'est-à-dire que quand on est sous l'emprise du produit, on est le roi du monde. Et que quand on redescend... Eh ben, on se rend compte qu'en fait, le produit nous détruit. Voilà. Donc, je trouve que c'est ça la vertu de ce film, c'est de trouver justement la juste métaphore. Voilà. C'est de trouver comment, à un moment donné, nous parler d'une manière très, très juste de ce que c'est que de faire l'expérience de la drogue par le biais de cette image, de cette métaphore du vampirisme. Et peut-être terminer avec The Addiction, du coup, je voulais juste revenir sur plutôt l'aspect image, photographie du film et la musique rapidement. Tout à l'heure, ouais, je parlais de ces films en noir et blanc. On avait parlé de Jarmusch, mais il y avait plein d'autres exemples. Hein. J'avais dit La Haine, et puis il y a évidemment Kevin Smith qui avait fait Clerks. Même Christopher Nolan a commencé par un film en noir et blanc. Le gros point commun entre tous ces films, c'est que je pense que quand on fait un film en noir et blanc dans une époque contemporaine, c'est quasiment 100% du temps, c'est pour faire un film plutôt stylisé, plutôt très esthétique. J'ai jamais vu un film récent en noir et blanc qui n'est pas dans le style un minimum, quoi. On filme pas n'importe comment et en noir et blanc, quoi. Ça n'est plus un choix par défaut, donc c'est clairement un parti pris esthétique. Il y a, d'ailleurs, je repense, il y a Caverne et de l'Épine en France aussi qui ont fait leur premier film en noir et blanc, Ultra Vida. J'avais évoqué au tout début de l'épisode le nom du chef opérateur qui s'appelle Ken Kelch. Oui. Et en fait, Ken Kelch, moi, je l'aime beaucoup parce que bah, il est associé à Ferrara, forcément. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais en fait, Ken Kelch, il a fait quasiment que les Ferrara. Il a fait quelques autres films. D'accord. Il a fait un John Landis. Et lequel? C'est Suzanne a un plan, c'est pas le plus connu. Ah non, mais je le connais. Je le connais. Mais parce je l'ai que, vu. Parce que je suis un peu amoureux du fils. Mais pour la petite anecdote, parce qu'il y a toujours un lien entre les choses dont on vous parle, même avant qu'on ne le sache. Ah oui, Ken toujours. Kelch, j'ai regardé sa filmographie. Son premier job au cinéma, ça a été d'être gaffeur, ce qui sur est équivalent de chef. Non, chef non. C'est non, non. Bah, premier film. Ça peut pas être les samedis, ils étaient pas nés à cette époque. C'est vrai. Mais il était gaffeur, donc c'est chef éclairagiste en français, sur La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Ah, d'accord. Donc voilà. Mais déjà, des films qui étaient un film d'exploitation, comme on l'avait dit. Oui. Et Ferrara a commencé par, en quelque sorte, des films d'exploitation. Enfin, Thriller Killer, c'est vraiment... Voilà, le nom indique bien ce qu'on va voir, même si c'est beaucoup plus intéressant que son titre. Et il a commencé par du porno, surtout. Mais voilà. Et côté juste musique, moi, je voulais juste parler... Parce que vous avez compris, moi... J'adore parler de la photo et de la musique des films, et comme ça, je me dis que aussi de musique. Je me dis que tous les mélomanes et ceux qui aiment l'image pourront se reconnaître. Et parce que le cinéma, c'est de l'image et du son. Oui, et nous, on est plutôt plus attachés à tout ça qu'au scénario en général, donc on aime beaucoup en parler. Pas forcément, mais c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ouais, je voulais juste parler de la musique. Donc, comme disait Clément tout à l'heure, c'est Joe Delia, mais il y a aussi Schoolly D, qui est un fidèle collaborateur de Ferrara, qui est un rappeur, en fait, hein, américain, mais pas très connu dans le milieu rap. Plus connu, j'ai l'impression, pour ses musiques de films de Ferrara que pour son rap à lui, quoi. Mm-hmm. Et du coup, je voulais juste dire que dans ce film, la musique est quand même... elle donne vraiment un ton au film... Enfin, en fait, ça va de la musique et souvent du rap à des grands moments de silence très planants où il n'y a vraiment pas beaucoup de son, on n'entend pas grand chose. Oui. Et je trouve qu'il y a des passages. Moi, je l'avais déjà vu ce film, mais là, en le revoyant avec la qualité dans laquelle il était, je me suis rendu compte que la musique, des fois, elle arrivait. Enfin, surtout de la musique rap, arrivait à des moments assez inattendus et faisait un peu le lien entre les scènes. Enfin, comme s'il servait un peu de la musique pour faire les fondus plutôt que de faire des fondus à l'image. C'est assez passionnant. Et notamment, si vous aimez la musique, il y a un gros classique dans le film de Cypress Hill qui s'appelle « I Wanna Get High ». Donc voilà, qui revient deux fois dans le film d'ailleurs. Oh, c'est dommage parce qu'après on a une petite transition musicale, mais... Ce ne sera pas ça. Mais Ferrara, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est très innovant dans la transition en général. Et il y a vraiment un film pour moi qui m'a marqué. Rarement un film m'a marqué par ses transitions et par rien d'autre. Mm-hmm. C'est un film qu'il a fait en 2001, donc 6 ans plus tard, qui s'appelle Christmas ou R-Xmas. Ça dépend de l'orthographe. Il y a plusieurs orthographes. Et c'est un film qui est complètement basé sur des fondus enchaînés assez rapides. Enfin, au final, le fondu enchaîné, c'est un effet qui n'est pas si utilisé que ça au cinéma. C'est casse-gueule. Quand il est utilisé, c'est dans des trucs très esthétiques et c'est des longs fondus enchaînés. Mais là, c'est des fondus enchaînés assez rapides, comme si quelqu'un qui ne connaît pas trop le cinéma et tout, il a utilisé les effets de montage de son logiciel, les premiers trucs que tout le monde utilise. Mais non, c'est hyper beau et... Non, ouais, je tenais à le noter. Ok. Lucas, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Peut-être que tu... Mais moi, j'apprends plein de trucs, c'est trop bien. Écoute, j'espère que nos auditeurs seront aussi contents que toi d'apprendre plein de choses. Donc voilà, c'était The Addiction, donc un film sur... vous m'arrêterez si je me trompe, sur le libre arbitre, hein, quand même, voilà. Ouais. Par quelqu'un, Abel Ferrara, quelqu'un qui, je dirais, qu'il y a eu une révélation. Et je voulais terminer là-dessus parce que notamment, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a une voix off dans ce film, une voix off qui est faite par un prêtre, voilà, un vrai prêtre, dont je n'ai pas noté le nom, malheureusement. Un prêtre qui, notamment, joue également un rôle dans le film, joue le rôle d'un prêtre. Très léger. Voilà, mais très oui, léger. Il est là. Il est là, il est là à la fin du film, il est là tout le long du film par sa voix. Et voilà, je pense que, voilà, si vous regardez The Addiction, si ça vous donne envie de regarder plus de Ferrara, vous pourrez, de votre côté, à votre manière, creuser un petit peu cette question, non pas de la religion, mais de la spiritualité. Parce que, voilà, je pense que Abel Ferrara, c'est ça. The Addiction, c'est ça. C'est un cinéma qui donne à penser, oui, sur le bien, sur le mal, sur ce que sont nos âmes. Et donc, voilà. Et puis, si jamais ça vous donne vraiment pas envie, mais que vous êtes fan des Sopranos, bah, il faut le regarder, ne serait-ce que parce qu'il y a trois acteurs des Sopranos. Au moins, donc, au moins. J'ai regardé, il y en a trois. Il y a le portier. Eddie Falco, du coup. Oui. La femme de Tony. Il y a Michael Imperioli qui joue Christopher Moltisanti, qui est sûrement, enfin, la plupart du temps, c'est le personnage préféré des gens qui ont vu les Sopranos. Ouais. Et il y a Annabella Sciorra, qui est je ne sais plus ce qu'elle joue dans les Sopranos. Ben la vampire. Mais en tout cas, c'est elle, la première vampire dans le film. Ah, oui. Qui d'ailleurs, je crois qu'on n'entend jamais son nom dans le film, mais au générique, elle s'appelle Casanova. Et donc, vu qu'on a terminé... On n'a pas terminé parce qu'il y a tellement à dire, ça ne s'arrête jamais. Mais à 58 minutes, mais voilà, on vous parle encore d'Abel Ferrara. Ça fait 58 minutes. Ferrara. Allez, on fait l'émission de 8 heures. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on découpe l'émission. C'est pour pouvoir parler encore plus longtemps des films qu'on aime. Moi qui est un grand fou de Ferrara. J'ai l'impression, si je regarde sa film rapidement, j'ai l'impression que The Addiction, justement, le côté, là, toutes les images du Vietnam, etc., la Shoah, j'ai l'impression que c'est le premier film où il commence à faire ça, à mettre des images d'archives et à lorgner vers l'essai, quoi, vraiment, l'essai cinématographique, quoi. Oui. C'est une sorte de formule un peu française. Si vous connaissez un peu Ferrara ou si vous voulez voir d'autres films de lui, vous allez voir que là, sur les années 2010, il est complètement parti à fond là-dedans. Il y a vraiment... Moi, j'ai pas vu d'images d'archives dans, pas dans Tommaso, mais dans 4h44, Dernier Jour sur Terre. 4h44, c'était. Il y a vraiment carrément des montages d'images d'archives à la fin du film. Alors, et pendant le film. Parce que 4h44, en fait, j'ai l'impression que c'est presque un film qu'on peut revoir aujourd'hui. 4h44. Oui, pardon, non, mais 4h44. Non, mais je sais qu'on parle beaucoup à des cinéphiles, mais pour ceux qui ne le sont pas tout à fait, c'est 4h44 le nom du film. Enfin, on pourra le couper au montage aussi, mais... Voilà. Non, on ne coupe rien au montage dans Home Alone. Mais tu as raison. 4h44, il y a une histoire de fin du monde. Et c'est marrant parce que 4h44, la fin du monde, tout ça. Et c'est un film qui est très confiné. En fait, c'est mine de rien, je pense, un film assez Covid. Oui, assez Covid. Et c'est là justement où je voulais en venir. C'est que moi, la dernière fois que j'ai vu Ferrara, c'était à Lyon. Justement, il est venu présenter son nouveau film qu'il a fait. Je crois que c'est un truc commandé par la Maison Saint-Laurent. Après Tommaso. Et qui est un film de Covid qu'il a tourné. Bah, il vit à Rome et qu'il a tourné à Rome. Il a tourné ça pendant l'année dernière quand le Covid a commencé. Donc voilà, d'accord. Le dernier film en date de Ferrara qui est de l'ordre du documentaire, de l'essai cinématographique, et complètement relié au Covid. Et voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est sûrement pour ça que dans The Addiction, il nous parle de sida, même si c'est pas forcément quelque chose qui l'a touché personnellement. Je pense qu'il s'est toujours intéressé à tout ce qui se passait autour, en fait, dans le monde. Donc voilà. Et j'ai pas le nom du dernier film là sur le Covid, mais on vous le mettra dans la description. On vous met toujours tout dans la description, dans la newsletter, sur le Facebook, le Twitter, tout ça. L'Instagram aussi. Voilà. Excusez-moi pour ce petit son, je mange du saucisson. Donc, il fallait qu'on parle des bonus quand même. Bah oui, parce que The Addiction donc ressort dans une édition restaurée, mais également une édition augmentée dans laquelle vous n'avez pas uniquement le film, vous avez également Donc, un documentaire d'Abel Ferrara qui s'appelle « Entretien avec les vampires » de 2018, dans lequel, si j'ai bien compris, il retrouve les acteurs du film, ses collaborateurs le de l'époque. Le chef-op et le, voilà, le compositeur. Dans lequel donc, il parle avec tous ces gens de ce qu'a été l'aventure, qu'a été ce film. Vous trouverez également en bonus sur ce Blu-ray DVD un entretien avec Abel Ferrara, ainsi qu'une analyse de Brad Stevens, voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui tentent des écoles de cinéma, voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits bouts d'analyse. Et également 9 minutes de making-of du montage avec Abel Ferrara. Parce que le montage, c'est quand même aussi une étape où on écrit les films. Donc voilà. Et il aime bien Ferrara. Enfin, il y a plusieurs documentaires sur les périodes de montage, ce qui est assez rare quand même de voir des documentaires sur ces périodes-là. Hein. Donc c'est quand les films sont pas finis. Uh-huh. Et je pense à un documentaire de Rafi Pitz, qui est un réalisateur lui-même, qui avait fait un film justement sur la période de montage de Go-Go Tales, je crois, mais j'ai un doute. Hein. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. D'accord. Et donc, bon. Maintenant qu'on en a fini avec Abel Ferrara, faisons son compte à Philippe Grandrieux. Jean. C'est du français, Grandrieux. Grandrieux, voilà. Non, mais j'ai toujours du mal à prononcer le nom de ce cher Philippe. Dont on parle aujourd'hui donc, parce que un coffret réunissant 4 de ses longs métrages, je ne sais pas si c'est un coffret intégral de ses longs métrages, Jean, je pense que... Bon, en fait, c'est un coffret intégral de ses longs métrages de fiction. Après, d'accord, il a touché à tout, donc il a fait de l'essai, du documentaire, enfin, il a de l'art vidéo. Il a, voilà, de la performance. Donc, c'est ces 4 vrais longs métrages de fiction, voilà, qui sont sortis au cinéma. Et donc, je sais que tu connais Philippe Grandrieux beaucoup mieux que moi. Donc, alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui est Philippe Grandrieux, d'où il vient, qui sont ses acolytes de cinéma, voilà, peut-être. Oui, bah, je peux en parler parce que ce soir, j'ai de la chance. On parle de 2 de mes réalisateurs de chevet, Ferrara et Grandrieux. Grandrieux, c'est un cinéaste, il a plein de casquettes. Hein. Ouais. Donc, c'est un homme, c'est un mec même, qui vient de Saint-Étienne, hein, pour l'anecdote, allez les verts. Hein. Et né en 1954. Et j'habite à Lyon, mais je suis pas lyonnais, c'est pour ça que je dis allez les verts. Né en 54, ouais. Qui a priori a fait ses études à l'INSAS, si vous connaissez, c'est une école à Bruxelles, plutôt axée cinéma et théâtre. Non, j'ai pas vu, mais bon, l'INSAS, aujourd'hui, il y a théâtre et cinéma, je crois. Bon, vous avez du son, de l'image, de la réalisation. Oui, c'est découpé, oui. Mais je pense qu'il était dans la partie plutôt cinéma, mais pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a commencé plutôt dans. Enfin, je suis pas sûr, mais. En tout cas, pas dans le cinéma directement, mais plus dans l'art vidéo, ouais. Les essais. Je crois qu'il a fait il a monté des projets pour la télé. Oui, avec la 7. Ouais, notamment. Ouais, cette chaîne qui n'existe plus. C'est une chaîne belge ou française? Non, c'était franco-suisse, okay. Je crois. Enfin bon, bref, c'est en pas tout cas, de notre génération. Mais... Ça fait partie des gens qui ont dû vraiment imaginer des nouveaux formats télévisuels, oui, vraiment intéressants. Enfin, ça serait un peu l'ancêtre d'Arte, quoi. Avec enfin, d'autres voilà, gens, parce que je crois qu'à l'époque de la 7, il a notamment travaillé avec Robert Franck et Robert Kramer. Ouais. Ouais, j'ai lu ça en effet. Ouais. Oui, il a toujours été bien entouré. Ouais, toujours bien. Et puis, il a été ensuite même soutenu et défendu par, comment dire ça, la papesse du cinéma expérimental d'avant-garde. Voilà, c'est les 2 termes en général qu'elle utilise. Voilà. Mais, voilà, c'est Nicole Brenez. Nicole Brenez, voilà. Qui est, voilà. Qui a beaucoup défendu Philippe Grandrieux au sein de la critique française. Et donc, voilà, Nicole Brenez, à qui on fait un petit coucou ce soir, parce que, bon, c'est en fait, c'est une personne grâce à qui, quand on est cinéphile, voilà, à l'âge qu'on avait, quand on a rencontré cette personne, ne serait-ce que par ses écrits ou sa réputation, on a pu découvrir des films. Voilà. Donc, bon, voilà. Parler de Philippe Grandrieu, c'est aussi l'occasion de parler de Nicole Brenez. Bah, Nicole Brenez, avec Clément, on l'a rencontrée, en effet. Elle est venue faire une petite conférence quand on faisait des études, quand on était jeune. On avait 19, 18 ans. Hein. Et oui, on ne savait pas encore à quel point... Et moi, je lisais déjà ce qu'elle écrivait parce qu'à cette époque-là, je m'étais pris d'une passion pour justement le cinéma expérimental, l'avant-garde, oui, etc. Donc, c'était d'autant plus passionnant de la rencontrer. Et puis, bon, voilà, pour le... Comme tout est relié, encore une fois, Nicole Brenez, elle écrit à la fois sur l'expérimental, mais elle écrit sur des cinéastes qui touchent un peu justement à l'expérimental, comme peut-être Abel Ferrara. Voilà. Oui. Elle a écrit un livre sur Abel Ferrara, dans lequel Philippe Grandrieu a écrit aussi un texte. Donc voilà, tout est relié. Oui. Et elle a écrit aussi beaucoup sur Monty Hellman, qui est un cinéaste aussi de chevet, qui vient de nous quitter. Donc voilà, on tenait à rendre un petit hommage à Monty Hellman et on espère en parler bientôt. Les Airbnb chez Monty n'auront plus lieu. Voilà, malheureusement. Mais vous comprendrez la prochaine fois. Oui, vous comprendrez. On vous parlera de Monty Hellman. On fera quelque chose à la hauteur de l'homme et du cinéaste. Voilà. Mais je pense aussi que si on prend le temps de vous parler de Nicole Brenez, c'est aussi parce que moi, donc dans mes jeunes années, tout comme Jean, j'ai découvert que c'était quelqu'un de très accessible. Par exemple, je me rappelle qu'à 20 ans, je cherchais le titre d'un film expérimental que j'avais vu je ne sais plus où. Et pourtant, je n'étais pas à Paris 3, la faculté dans laquelle Nicole Brenez donne des cours. Voilà, j'étais étudiant à Paris 1, au CNED, je courais après mes stages. Et je me souviens, j'avais envoyé un mail à Nicole Brenez en lui disant « Bonjour, j'ai vu un film il y a quelques années. C'était un plan fixe sur un train qui traversait des campagnes, comme ça. » Et elle m'avait répondu. Elle m'avait dit « Ah, train, machin, film expérimental. » Peut-être que c'est ça. Donc, quand on vous dit papesse, ça ne veut pas dire inaccessible. Si un jour, vous voyez un film chelou qui vous reste dans la tête, dont vous vous souvenez quelques années plus tard, vous ne savez plus ce que c'est, essayez d'envoyer un mail à Nicole Brenez. Parce que c'est en plus d'être une personne qui explore des territoires de cinéma très divers et variés, très, très riche, c'est également une personne qui est très accessible. Donc voilà. Bref, revenons à Philippe Grandrieu. Donc, un cinéaste qui, comme on l'a dit, donc, est lié à toutes ces personnes qu'on vient de citer, produit par Catherine Jacques, qui est produit actuellement pour la société Mandrake Film. Et alors, pourquoi on parle aujourd'hui de Philippe Grandrieu ? Parce que Shellac, voilà, Shellac dont on va vous parler dans quelques minutes, a sorti quoi ? Un coffret DVD qui réunit enfin les quatre films de fiction de Philippe Grandrieu. Voilà, et donc parlons juste pendant quelques minutes de qui est Shellac, qu'est-ce que c'est Shellac, qu'est-ce que ça veut dire Shellac ? Alors, Shellac, voilà, c'est un acronyme. Shellac, ça veut dire Société héliotropique de libre action culturelle. Un beau programme. Et donc, Shellac, c'est une structure assez polymorphe. Ce sont à la fois des producteurs, des distributeurs, des éditeurs vidéo et même depuis peu, une plateforme de VOD sous le nom de Club Shellac. Voilà, donc Shellac, c'est beaucoup de choses. En tant que producteur, ils ont notamment produit Miguel Gomsch avec Tabou, qui était un film très beau, voilà, que je sais que Jean, qui vient de partir aux toilettes, a beaucoup aimé, tout comme moi. Je ne sais pas si Lucas l'a vu, Tabou. Je connais l'affiche, je crois que c'est un crocodile. Oui, c'est exactement un crocodile. C'est un film magnifique, il faut vraiment que tu le vois. Mais je ne l'ai jamais vu, mais je suis... tout à fait disposé à le regarder. C'est très très beau, c'est très très beau. Ce sont aussi eux qui ont produit, coproduit Martin Eden de Pietro Marcello, dont on vous parlait la fois dernière dans les mentions de la Gazette des Galettes. En tant que distributeur, ils ont distribué beaucoup de films français d'une sorte de nouvelle vague, voilà, qui a eu lieu à un moment au début des années 2010, à la fin des années 2000. C'est eux qui ont distribué, par exemple, La fille du 14 juillet, d'Antonin Pérez-Jatko, La bataille de Solferino, de Justine Trier. Donc voilà, chez Lac, c'est beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, c'est une société, notamment d'édition vidéo, qui sort un coffret avec 4 films de Philippe Grandrieux. Et donc ce soir, on a décidé de vous parler de Sombre, un film de 1998, si je ne m'abuse, ou 1995 en fait, voilà, je m'abuse complètement. Donc Sombre, un film de 1995, prix du jury à Locarno avec Marc Barbet, un acteur qu'on aime beaucoup, et Elina Lowenson, une actrice qu'on aime beaucoup également. Et donc, commençons peut-être par expliquer à nos auditeurs quel genre de cinéma c'est le cinéma de Philippe Grandrieux. Si quelqu'un vous demandait c'est quoi Philippe Grandrieux, qu'est-ce que vous diriez les garçons ? Grandrieux, c'est un cinéma sensoriel, clairement, c'est le mot qui revient le plus souvent quand on parle de Grandrieux. Ouais. C'est un cinéma qui fait marcher tous les sens, qui essaie de vraiment revenir à... Autant la vision que Louis. Oui, mais qui essaie de revenir en fait aux bases... Enfin, c'est pas tant revenir aux bases du cinéma, c'est juste vraiment faire du cinéma dans le sens où lui, quand il pense cinéma, il se dit « je vais utiliser tous les outils du cinéma », ce qui peut paraître bête, mais c'est l'image, le son... Ouais. Et peut-être moins le scénario, justement, pour lui. Parce que le scénario, c'est du récit. Donc, un roman, c'est du récit. Voilà, le scénario, ça se rapproche du roman d'une certaine manière. Le cinéma, ce qu'il a apporté de différent par rapport au roman, au roman en général, c'est le son et l'image, quoi. Voilà, le cinéma, c'est faire du cadre, c'est de la lumière, c'est des effets, de montage, de... Voilà, le montage, c'est hyper important chez Grandrieux, il en parle très souvent. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Grandrieux, Sombre est clairement son film culte. Enfin, c'est son film numéro un, quoi. C'est celui par lequel il faut commencer et probablement son meilleur, quoi. Bah oui. Et un film qui, selon moi, est un film sur la pulsion de mort, en fait. Un film où il nous montre... Alors, on va essayer de le faire dès le départ, cette fois. Le synopsis. Voilà, le synopsis. Qu'est-ce que c'est Sombre ? Qu'est-ce que ça raconte ? Avec qui et comment ? Ben, j'ai un synopsis que j'aime bien, qui tient en une ligne, en une phrase. Vas-y. Jean tue, il rencontre Claire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Jean tue. Et il porte mon prénom. Mais ça marche moins bien de le mettre dans le synopsis. Mais voilà, Jean, c'est un homme qui est un marionnettiste itinérant, en fait. Ouais. Donc, qui parcourt la campagne majoritairement. Là, dans le film, il n'y a que la campagne française. La campagne suisse, non ? C'est la campagne au générique, française. c'est la campagne près de Lyon et de Saint-Étienne, justement. Ouais, c'est qui est la ville d'origine de Grandrieux. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui fait des spectacles de marionnettes pour enfants et qui, à côté de ça, tue des femmes. Tue des femmes, mais ne tue pas Claire. Parce que, en fait, tout ce film s'articule autour de la rencontre entre ce Jean et cette Claire. Claire qui, d'ailleurs, s'appelle Claire dans un film qui s'appelle Sombre. Est-ce un hasard ? Je ne pense pas. Et comme je le disais, pour moi, c'est vraiment un film sur... sur la pulsion de mort. C'est-à-dire que d'un côté, on a lui. C'est-à-dire qu'on est clairement dans un, un boy meets girl, comme on disait la dernière fois. Lui qui tente d'échapper à ce besoin, à cette pression qu'il a de tuer. Pulsion. À cette pulsion, exactement. Lui qui tente d'échapper à cette pulsion qu'il a de faire mourir les femmes avec lesquelles il tente d'avoir des rapports sexuels, et elle qui, d'un côté, va s'abandonner au danger de la rencontre avec cet homme. Et pour moi, c'est une manière d'aborder comme ça le cinéma de Philippe Grandrieux, qui est un cinéma du désir. Un cinéma du désir dans tout ce qu'il a de complexe. C'est-à-dire que le désir, ça n'est pas juste avoir envie de baiser quelqu'un et le baiser. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le désir, ça remue en nous des choses qui nous dépassent. Et pour moi, Sombre, ça montre très bien ça. C'est-à-dire que le personnage de Jean, c'est un personnage qui est en combat permanent avec lui-même pour tenter à la fois d'assouvir sa pulsion et en même temps de ne pas céder. Comme une vampire à New York. Exactement. Et le personnage de Claire est un personnage qui, à la base, n'est pas du tout, dans l'expression de son désir, mais qui, face à cet homme, va, à un moment donné, se retrouver face à son désir et l'assumer au point que cet homme en face d'elle ne va plus savoir quoi en faire. Je pense notamment à cette scène au bord du National où, à un moment donné, Jean, submergé par l'initiative, par le désir de cette femme, va lui dire de partir parce qu'il sait. Il sait qu'il va vouloir la tuer. Il ne veut pas la tuer. Alors qu'elle est dans une sorte de d'acceptation totale de son désir et d'acceptation du risque aussi de ce que c'est que de désirer quelqu'un. Et finalement, il va décider, plutôt que de faire l'amour avec elle et donc de la tuer, de la fourrer dans une voiture pour qu'elle parte se mettre à l'abri. La mettre dans une voiture. Enfin, oui. la placer dans une voiture. Oui, voilà. Il ne la fourre pas, elle, en la mettant dans une voiture. Il l'éloigne de lui-même pour ne pas avoir la fourrer et ne pas avoir la tuer. Donc voilà, pour moi, c'est un film qui parle du désir d'une manière très, très particulière parce que c'est un film qui nous parle du désir d'une manière kaléidoscopique. C'est-à-dire qu'on va commencer de son point de vue à lui. Voilà, avec son rapport au désir, son rapport au sexe, quelque chose donc qui est très ancré dans l'empêchement. Et puis, en regardant le film, on se rend compte que petit à petit, le film glisse vers son point de vue à elle, vers le point de vue de Claire. Et que finalement, celui qui était le personnage principal au début, ce Jean, ce fameux Jean qui tue les femmes parce qu'il n'arrive pas à les aimer, ce point de vue va se déplacer sur Claire, cette femme qui pensait ne pas aimer et qui va se retrouver en fait à éprouver de l'amour et à essayer de pouvoir le vivre avec cet homme qui en est incapable. Et pour moi, c'est ça en fait la richesse de ce film et le grand talent de Grandrieux quand il fait Sombre, c'est cette manière qu'il a de nous donner à un moment donné une sorte de panorama de ce que c'est que de désirer, de ce que c'est que de désirer à la fois dans l'empêchement, à la fois dans ces moments où on s'interdit des choses, dans d'autres moments où on peut se permettre au contraire des choses. Et en fait, voilà, en commençant son récit avec ce personnage d'homme et en le terminant avec ce personnage de femme, je trouve que c'est un film qui explore toute la palette de ce que c'est que de désirer quelqu'un. Que de désirer quelqu'un au point peut-être de le ou la détruire, de désirer quelqu'un au point de se faire détruire. Et je trouve que d'un point de vue purement narratif, c'est un film qui est assez, qui est assez virtuose. Il y a aussi un petit peu une dimension qui serait celle du conte. On a cette scène, par exemple, où Claire endosse une peau de loup. Enfin, c'est une peau de loup, en fait, qu'elle porte comme peau d'âne. Enfin, je sais pas si... Ouais. Et il y a une sorte de... De perversion. Une sorte de perversion. En fait, ça rejoint cette idée que Claire, c'est un personnage qui est à la fois attiré par le danger de la mort qui est imminent. Ouais. Mais je trouve qu'il y a constamment un va-et-vient entre la peur et l'attirance pour cette peur. Enfin, c'est assez curieux parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, je me rends compte que ça me fait penser à un autre film de ces dernières années, un film beaucoup plus récent, d'Alain Guiraudy, qui s'appelait L'inconnu du lac, qui pour moi, d'une manière alors complètement différente, nous parlait aussi de ce rapport... entre Eros et Thanatos, entre désir et mort. Non, mais Eros et Thanatos, clairement, mais c'est... Enfin, moi, je voulais repartir sur le conte, comme disait Lucas. C'est clairement... Enfin, je déteste cette expression parce que c'est très, très universitaire, voire même lycéen. Hein, c'est savoir allier le fond et la forme. Mais alors là, ce film-là, ça veut tout et rien dire. Oui. Ouais, mais ce film-là, pour le coup, le fait tellement bien. Oui. Parce qu'en fait, c'est une sorte de... Au final, ce film, c'est une sorte de conte métaphysique. Et Lucas parlait de conte. Mais alors, vraiment, là, en le revoyant, ça faisait bien 10 ans, je pense, que je ne l'avais pas vu. C'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus en... Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas compris. Souvent, enfin, je suis sûr que vous êtes comme moi. Vous regardez un film, souvent il y a beaucoup de films qui mettent une première scène qui est très différente du début vraiment du film. Ouais. Et cette première scène, souvent, on l'oublie complètement, comme si c'est le cinéma fait souvent oublier la première scène du film. Et souvent, il y fait écho à la fin du film, et là, on se souvient de cette première scène. Il faut faire un effort pour se remémorer cette scène en tant que cinéphile, mais sinon, c'est quelque chose qui automatiquement se perd. J'ai la même sensation. Ils jouent énormément là-dessus, les cinéastes. C'est une scène qui imprime un ton, une atmosphère, quelque chose de très profond par rapport au film. Ouais, parce que la première scène du film, on n'en a pas parlé, je crois, encore. Hein. C'est des enfants. En fait, on voit juste des enfants qui sont comme au théâtre. Maintenant que tu en parles, je l'avais complètement oublié. Voilà. Et pourtant, elle est quand même marquante en soi, mais on l'oublie en fait. Maintenant qu'on en reparle, oui. Et en fait, c'est une scène où c'est des enfants qui sont... Une scène qui n'a rien à voir avec la suite du film. Bah si, en fait. Mais c'est faut en le chercher, j'avais déjà lu pas mal de trucs sur le film, et en le revoyant, du coup, là, j'ai tout compris. Mais le film ne le dévoile pas vraiment. En fait, il faut le deviner. Oui. Mais tout est là, en fait. Hein, tout est en place. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont dans une sorte de théâtre en train de. On filme des enfants en gros plan qui sont en train de crier. De rire, de pleurer, enfin, surtout pas crier. Leur cri. On n'entend pas. Ah si, on entend que ça. Sérieux ? Ah oui, on entend. C'est que des cris, la scène. Mais on les entend parler, enfin crier. Ils crient des mots, en fait, et ils crient le loup. Il va t'attaquer. Et en fait, après, forcément, en fait, quand la fille enfile le costume du loup, en fait, on comprend, parce qu'en fait, Jean, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans le synopsis, c'est un marionnettiste. Donc en fait, c'est Jean qui est en train de faire le spectacle. Mais oui, et puis, à un moment donné, c'est ça aussi qui pour moi est très riche dans ce film, c'est-à-dire que est-ce que Jean, à un moment donné, est le loup ou est le chaperon ? Enfin, c'est là où je voulais en venir, le chaperon, c'est quand même majoritairement le loup, mais c'est lui qui a le costume de loup, elle l'enfile, mais il y a un jeu là-dessus et tout, mais évidemment qu'elle, c'est quand même le chaperon rouge dans le sens où on n'a pas précisé que Jean assassine majoritairement des prostituées. Et Claire, on apprend par le biais de sa sœur qu'elle est vierge. Voilà, c'est ça quand même le gros truc du film. Et donc voilà, il y a plein d'analogies au conte. Le loup, la vierge en mode chaperon rouge et sa sœur qui est beaucoup plus effrontée qui a des boucles d'or. Enfin voilà, qui a des cheveux platine. Voilà, c'est que des références à des contes. La blonde, la brune, et c'est pas que la blonde, c'est vraiment boucle d'or, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Donc voilà, il y a plein d'analogies au conte. Et Voilà, comme la dernière fois, j'espère ne pas partir trop loin, mais moi, ce côté, les enfants au début du film, qui, voilà, quand on est enfant, c'est connu, c'est, on a la... enfin, c'est ce qu'on espère garder toute sa vie, c'est la capacité d'émerveillement et d'avoir peur, enfin, d'avoir vraiment peur, d'avoir vraiment envie de rire, d'avoir vraiment envie de pleurer, etc. Et voilà, eux... De vivre les choses entièrement. Pleinement, ouais, sans sans filtre, c'est, sans barrière. C'est désinhibé, c'est, voilà, ouais. c'est l'enfance, quoi. Et je trouve que, voilà, ces enfants qui réagissent à un spectacle de marionnettes, et les spectacles de marionnettes, c'est souvent justement, voilà, c'est les contes, et les contes, on s'en rend compte, ou pas forcément, avant qu'on nous le dise, quand on est adulte, que c'est quand même très horrifique. Très gore, ouais. Enfin voilà, c'est quand même le chaperon rouge, c'est quand souvent même... Souvent les chansons pour enfants d'ailleurs, quand on pousse un petit peu les paroles, quand on va au-delà des refrains et tout ça, c'est souvent... rien à voir, hein, mais c'est souvent assez intense et gore. Quoi. Genre, oui. Ah mais c'est mon ça, petit navire, je sais pas si il était un petit navire, c'est l'histoire de... Alors, oui. Rien à voir, mais... Bah, tous les contes, hein. Mais... Oui, tous les contes, oui. Mais vas-y. Mais non, c'est juste c'est l'histoire de matelots qui n'ont rien à bouffer et qui se bouffent entre eux, quoi. Enfin, ouais. Mais oui, c'est... Mais oui. Et moi, et je me souviens, à Noël dernier, j'avais chopé une intégrale des contes d'Andersen que je lisais à ma nièce, et ma sœur était complètement horrifiée. C'est-à-dire qu'elle elle me disait, mais Pourquoi tu racontes ces histoires-là ? Et je lui disais, mais en fait, c'est juste les histoires telles qu'elles ont été écrites, contes, en fait. Voilà. Le petit chaperon rouge, c'est le loup, il bouffe la grand-mère, et le chasseur, il vient, il dégobe le loup, il arrache ouvre le les entrailles. Il arrache le cœur de Blanche-Neige. Il ouvre les... Mais oui, ouais, Blanche... il non, est là pour non, arracher chose. Le cœur. Mais de... il ouvre les entrailles du loup pour délivrer la grand-mère. Enfin, imaginez ça juste en version film. Quelqu'un qui ouvre un loup, les sûr, entrailles hein. d'un loup pour sortir un humain, quoi. Enfin, c'est très, non, très gore. C'est des histoires horribles, pareil d'innocence, un petit bah peu. Oui. Bah oui, oui, oui. Mais du coup, ce que je trouve passionnant, c'est que ce truc des gamins qui sont complètement à fond dans la réception, dans les sensations, dans les sentiments de ce qu'ils voient, ça fait pour moi complètement écho à ce que le spectateur qui ne sait pas quel film il va voir peut ressentir en voyant ce film et en pensant avoir compris ce que c'était le cinéma, c'est un film, c'est une histoire, voilà, avec des images, etc. Là, on est en général, quand on tombe sur ce film, enfin, c'était mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est comme c'est complètement sensoriel, à fond dans... plein d'effets, d'images, de sons, etc. C'est très expérimental, en gros. C'est un peu le même effet. C'est-à-dire qu'on est adulte et on voit ça et on se dit... On est comme les gamins au début du film. On ne crie pas, peut-être, mais en tout cas, on est décontenancé, on comprend... On n'est pas habitué à ça, en fait, au cinéma. Et c'est une vraie expérience, ce film. Oui. Je trouve que c'est ça. Et là, il a compris la force du cinéma, c'est qu'on pouvait toujours surprendre un adulte qui vient dans une salle voir un film. Oui, à la fois jouer sur des choses très ancrées, les codes, en fait, les codes du conte pour enfants, et en même temps les subvertir complètement et les tordre de manière à raconter sa propre histoire. Et justement, alors, puisqu'on parle d'histoire et de raconter des histoires, moi, ce qui m'a assez marqué, même si de prime abord, on pourrait croire que c'est assez annexe dans ce film, c'est la capacité de Philippe Grandrieux à livrer des récits. Je pense notamment au récit de cette femme blonde que Jean croise sur une aire d'autoroute et qui va prendre en autostop et qui va lui raconter un rêve. Un rêve dans lequel elle revoit sa mère. Je pense notamment à cette femme brune que le personnage de Claire va également rencontrer sur une route, non pas sur une aire d'autoroute, mais carrément au milieu d'une route la nuit, et qui va l'emmener dans une aire d'autoroute et lui raconter l'histoire de son défunt mari. Et je trouve que... comment dire ? Donc des récits racontés par les personnages à l'intérieur du film. Voilà. Je trouve que Philippe Grandrieux, dans ce film, montre un talent vraiment troublant pour faire raconter à l'écran des histoires par des gens. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. C'est-à-dire que raconter des histoires par la voix au cinéma, c'est souvent, par exemple, quelque chose qui passe par exemple par la voix off. Et là, en fait, il arrive à nous filmer des gens, des femmes en l'occurrence, mais je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, des gens en tout cas qui nous racontent leur histoire. Et moi, c'est des moments du film où j'ai été assez captivé. Enfin, vraiment, l'histoire de cette femme qui raconte le rêve qu'elle a fait où elle revoyait sa mère, de cette femme blonde, et l'histoire de cette femme brune qui raconte comment elle a aimé cet homme qui malheureusement est mort trop tôt. C'est quelque chose qui m'a, je me rends compte, assez frappé. Et on parle depuis le début de Philippe Grandrieux comme d'un grand formaliste, en fait, comme de quelqu'un qui joue avec des codes visuels, avec des codes narratifs. Et sonores. Ouais. Mais mine de rien, je me rends compte aussi, là, maintenant qu'on en reparle, que Philippe Grandrieux, c'est aussi quelqu'un qui sait raconter des histoires et dans Sombre, en fait, nous le montre d'une manière assez éclatante. Mais c'est marrant que tu t'es repéré ça, parce que moi, je me souviens même pas de ce dont tu parles. Et on n'a pas évoqué un truc, c'est que le cinéma de Grandrieux, en général, est assez économe sur le plan des dialogues. Voilà, c'est un film où on parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on parle, on peut vous avouer une chose, c'est que chez Grandrieux, on ne comprend pas souvent ce qui est dit. Ouais, et j'avoue que même dans ce film, quand elle crie le nom du personnage principal, j'hésitais entre Jean et Georges. Hein. J'entendais les deux, je savais pas lequel était le bon, j'ai vu sur Internet. Mais ouais. En tout cas, c'est pas le dialogue et vraiment pas la chose qui l'intéresse le plus. Non. Mais voilà, c'est intéressant que du coup, toi, t'es repéré ça. Et bah moi, je m'en souviens même pas, tu vois. Genre, je vois mais les autostoppeuses et tout. Que tu t'en rappelles? Ouais, je vois à peu près, mais je me suis peut-être pas concentré justement sur ce que ces femmes racontaient, quoi. Mais oui, c'est. Chacun prend, en fait, c'est le genre de film où chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Moi, je sais que, j'étais très ouvert à là où j'ai découvert ça, j'étais très ouvert au cinéma expérimental, donc ça me surprenait pas. En soi, ça me surprenait pas tant que ça, le style du film. Moi, je me suis pas dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin, même si quand même, j'ai quand même été assez impressionné. Enfin, ça m'a laissé un souvenir assez fort pour que ça soit un de mes films de chevet, un peu, en quelque sorte. Mais en tout cas, je pense que voilà, si vous n'avez pas l'habitude de films comme ça, vous allez choper peut-être un truc différent. Clément a chopé ça et Lucas a chopé ça, mais vraiment, c'est voilà, il y a plein de façons de voir le film, de le ressentir surtout. C'est ça en fait, ressentir en fait. C'est ce qu'on vous dit quand vous allez voir, vous allez dans un musée, les œuvres d'art, des peintures, etc. On est plus dans le ressenti. Enfin, c'est ça qui est plus important. C'est pas important qu'on connaisse l'histoire d'un peintre, etc. On s'en fout de ça. Et dans l'art contemporain, c'est encore plus flagrant. Genre vraiment, c'est chacun analyse le truc à sa façon. C'est vraiment le type de film où on est vraiment seul face au film, quoi. Et vous pouvez vous moquer du film, hein, comme on se moque d'une œuvre d'art contemporain. Hein, et Grandrieux a touché à l'art contemporain d'une certaine manière, à plein de choses. Donc. Mais l'important, c'est que le film, je pense, ne laisse pas indifférent, contrairement à beaucoup de films de cinéma beaucoup plus classiques, quoi. C'est pas tant les Français, c'est les Américains qui découvrent Grandrieux, par exemple. Les gens faisaient parler de David Lynch, mais en soi, ouais, clairement, enfin, je pense qu'on est dans une mouvance similaire, même si clairement, ça se ressemble pas tant que ça. C'est juste que en fait, on est tellement pas habitué à ce genre-là que, imaginez le cinéma classique, voilà, vous allez faire des passerelles entre certains cinéastes, mais il y a plein de films qui se ressemblent pas du tout. Mais dans le cinéma expérimental comme ça, on en regarde beaucoup moins, donc on est beaucoup moins apte à faire des différences et des comparaisons. Il n'y aurait que Nicole Brenes pour vous dire « Ah non, mais David Lynch et Gondrieux, ça n'a rien à voir, par exemple. » Et je ne sais pas si c'est ça qu'elle pense. Mais en tout cas, elle a tellement vu de choses qu'elle, elle est capable de voir qui est où et voilà quoi. Enfin, oui. Où sont les choses et où sont les cinéastes. Et... Oui. Mais en tout cas, c'est des mecs qui aiment bien expérimenter avec le médium cinéma, oui. L'image, le son, oui. Le sens, l'essence, le sensoriel, etc. Mmh. Donc clairement, oui, je pense que Gondrieux a vu David Lynch et qu'il aime ou il aime pas, mais en tout cas, je pense que ça le laisse pas indifférent. Ça l'intéresse un minimum, je pense. Bien sûr. Et je pense aussi que, bon, peut-être que là, avec tout ce qu'on a dit, je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas peut-être un peu peur à nos auditeurs ? Enfin, on a beaucoup parlé d'expérimental et tout. Mais une chose à dire, c'est que pour moi, ce film, il parle de quelque chose de très basique aussi. Il parle de sexe. On l'a dit, voilà. C'est une histoire de sexe. Hein. C'est clairement l'histoire d'un homme qui résiste à ses pulsions et d'une femme qui comment dire, va accéder via cet homme à son désir. Mais surtout, pour moi... c'est aussi sombre, un film qui montre très bien comment le sexe, c'est l'endroit de la métamorphose ou du dévoilement de l'être. C'est-à-dire que pour moi, sombre, c'est un monstre. Voilà, ça c'est un beau lapsus. Pour moi, sombre, c'est un film qui montre d'une manière très forte. Comment en fait le moment du sexe dans nos vies à tous, hein, même si là ça parle d'un sexe très perverti, c'est un moment de métamorphose, c'est le moment où on devient des sortes de loups-garous, comme ça, où sous la lune du désir, on va momentanément se métamorphoser, devenir des monstres, avoir envie de chair, avoir envie de dévorer les gens, de leur faire du mal, de leur faire du bien. Comment le sexe, en fait, c'est... C'est peut-être d'ailleurs l'origine de la confusion entre la mort et le plaisir du personnage principal. Enfin, bien sûr. Voilà. C'est peut-être juste un personnage qui fait pas la synthèse entre qu'est-ce que c'est donner du plaisir et qu'est-ce exactement. Que c'est mourir. Enfin, c'est quelque chose qui fait pas du tout... Enfin, il est peut-être plus pur que n'importe quel autre être humain, donc il y a un truc comme ça. peut-être. Je ne sais pas s'il est plus pur, mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais juste revenir là-dessus parce que je me disais, bon, avec tout ce qu'on s'est dit, peut-être que les gens étaient en train de se dire que c'était un film de gros intello, esthétisant, patati patata. Non, ce n'est pas le cas, en fait. C'est un film qui vous parle de ce qui se passe quand vous bandez, quand vous mouillez, quand vous avez envie de baiser avec quelqu'un, quand vous êtes en train de baiser avec quelqu'un, comment ça vous change, comment ça peut vous rendre fou. C'est ça, en fait, sombre. C'est un film qui vous parle de ce qui se passe quand, à un moment donné, la libido prend le dessus. Voilà. Non, mais en tout cas, faut pas avoir peur. C'est une expérience, ce film, et rien que pour ça, ça vaut le coup de le regarder. Mais bien pour sûr. L'expérience, c'est mais une expérience, sûr. Vraiment. C'est... Et ça, vous n'avez pas souvent l'occasion de le dire devant c'est un film. Expérience quoi. Esthétique, c'est une expérience esthétique, c'est une expérience... Ça fait une heure qu'on en parle, mais en vrai, il faut juste aller le mater. Mais bien sûr, il faut le voir. Mais voilà, moi, je voulais juste dire ça, parce que voilà, je me disais, après tout ce qu'on s'est dit, j'avais juste peur que les gens se disent, un film d'intello sur un mec qui tue des meufs. Non, en fait, franchement, n'importe qui a une bite ou une chatte et qui a envie de baiser quelqu'un à un moment donné dans sa vie se retrouvera, en fait, dans ce film. Et du coup... Et puisque nous en avons terminé avec Philippe Gandrieux, avec Abel Ferrara... Je me demande, les garçons, si ce ne serait pas le moment, peut-être, de faire une petite pause musicale. Qu'en pensez-vous ? Oui. Oui, tout à fait. Mais je vous propose à ce moment-là, peut-être, quelque chose qui viendrait de sombre, non ? de sombre et de l'univers de Grandrieux. Un petit peu de rock progressif, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit peu d'Alan Vega. Ouais. Allez. Allons-y. Qui nous a quittés en 2016 et qu'on aime. Oui, beaucoup. Alan Vega. Get it on, round on, baby. Get it on, round on, baby. Voilà, c'était Alan Vega. Et maintenant, passons donc aux mentions. Voilà, quelques films dont on vous parle très succinctement, mais qu'on a tout de même envie que vous regardiez parce qu'on pense qu'ils pourraient vous plaire. Alors, Jean, par quoi on commence? Eh bien, on commence par A Sin at the Sea. Un film de Takeshi Kitano, oui. Cinéaste qu'on aime beaucoup, oui. Je crois. Et qui est son troisième long métrage, et qui, d'ailleurs en japonais, s'appelle Anonatsu Ichiban Shizukana Umi, mm-hmm. qui se traduit par Cet été, le plus calme des océans. Voilà. Qui n'est pas exactement le même titre. Mais le titre anglais est plutôt beau et reflète plutôt bien le film, Sin at the Sea, puisque c'est un film qui est très planant, très onirique. Dans lequel on se laisse bercer, comme par les vagues de l'océan. Et c'est l'histoire de Shigeru, un jeune éboueur sourd et muet, qui trouve une planche de surf cassée et se met à rêver d'être surfeur, qui est accompagné dans son rêve par une jeune femme, Takako. Donc voilà, on sort un peu de l'univers criminel, yakuza de Kitano. Oui. Et c'est comme une chanson douce, vraiment, ce film. D'ailleurs, la musique est de Joe Hisaishi, qui a fait la plupart des films d'animation des studios Ghibli, que vous connaissez forcément. Mm-hmm. Mononoke, Chihiro, oh ouais. et j'en passe. D'accord. Qu'on retrouve sur Netflix d'ailleurs, je crois. Oui, oui, ça y est, ils sont arrivés sur Netflix. Ok. Et voilà, c'est du pur Kitano. Enfin, c'est à la fois du pur Kitano et en même temps, ça nous sort de ce qu'on a pu voir de certains Kitano. Mm-hmm. Même s'il garde quand même vraiment son style. Parce que même quand il fait un film de gangster, les personnages sont assez mutiques. Mm-hmm. Là, c'est un sourd muet. Je pense que c'est un prétexte parce que les dialogues l'intéressent moins. Ouais. C'est plus l'ambiance. Il sait faire des scènes, des plans séquences qui durent, des plans fixes, des beaux plans. Enfin, c'est beau. Ça rappelle sûrement Ozu, enfin plein de cinéastes japonais. Mm-hmm. Et voilà. Juste, il y a beaucoup de jaune dans ce film. Beaucoup de personnages en jaune, toujours. La fille, et le mec. On aime le jaune. Et on aime le jaune. Et c'est l'occasion de parler. Parce qu'on suit un compte oui, Instagram. C'est l'occasion de parler d'un compte Instagram. Bah oui. Voilà, qui s'appelle Pretty in Yellow. Oui. Prononcé en français, Pretty in Yellow en anglais. Et voilà, joli, qui répertorie en gros des scènes de films avec des gens qui portent du jaune. Et donc, A Sin at the Sea de Takeshi Kitano a été réédité par l'Arabia le 14 avril dernier. Je ne sais pas de quoi on parle d'autre. Lucas, mais je vois que tu veux rentrer dans la danse. Ouais, j'ai une petite idée. Il y a un film que j'ai vu en 2017 dans un festival du cinéma fantastique à Strasbourg. Ouais. Qui était plutôt cool, s'appelait Kuzo. D'accord. C'est un film qui a été réalisé par un musicien, artiste multirécidiviste qui s'appelle Flying Lotus avec un certain David Firth qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube notamment. D'accord. Et un troisième qui s'appelle Zach Fox que moi je ne connais pas personnellement. Et alors c'est quoi Kuzo? Bah Kuzo c'est une sorte de... Alors c'est un film vraiment bizarre, je saurais pas quoi vous dire de quoi ça parle. Il y a une sorte de prétexte de scénario qui commence... C'est un tremblement de terre à Los Angeles qui crée des malformations chez les gens qui habitent là. D'accord. Et donc ils sont tous sur leur canapé à regarder des films, à se regarder les uns les autres à travers un écran de télévision. Oui, c'est plein de petites scénettes. C'est presque un film à sketch. Ouais, c'est un peu ça. C'est un film de plus ou moins trash qu'on pourrait affilier à un genre que moi je connaissais pas, qu'on appelle le body horror. D'accord. Qui serait une sorte de... Qui allierait, le dégoût à l'horreur. Oui, c'est un peu ça. Et le corps surtout, enfin le body, c'est le corps. Voilà. Bien sûr. Et Kuzo, en fait, c'est une interjection en japonais qui voudrait dire merde ou fuck. Enfin, c'est une sorte d'insulte qui désignerait... Est-ce que ce serait pas un peu dans la lignée de Cronenberg? Enfin, parce que bon, il y a un peu ça, ouais. C'est un petit peu l'exposition du corps, la meurtrissure du corps dans toutes ses formes. Ouais. Il y a un peu des thèmes de scatophilie, de mutilation qui s'y mêlent. Okay. Ouais, Kuzo, je l'ai vu aussi il y a bien 3 ans, 3-4 ans, parce qu'il a quand même mis un certain temps avant de sortir en DVD en France. Là. Il n'est pas sorti en salle, du coup. Il est passé en festival, c'est tout. Et ouais, c'est une sorte de... On va dire, moi je dirais comme ça, dans mon souvenir, une sorte de patchwork un peu délirant de je sais pas combien de références, enfin, de ce que j'ai pu lire à l'époque, Flying Lotus, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs en musique, c'est un mec qui est très cinéphile, qui a vu plein de choses, donc forcément il fait beaucoup de références, et dans son côté délirant, je me souviens qu'il parlait de Jodorowsky, voilà, c'est un peu une référence assez commune quand on fait Bon, oui, il y a forcément une étiquette pour décrire ça, mais bon... Mais en tout cas, oui, voilà, c'est body horror, bah voilà, Cronenberg, enfin, il y a plein de cinéastes plus ou moins cités dans le film. Et ça peut rappeler aussi beaucoup l'esthétique, en fait, de films genre la chaîne américaine Adult Swim, en fait. Mmh. Et, et comme ça a un côté sketch, clairement, Adult Swim, c'est du format court. Hein. Je crois pas qu'il y ait de long métrage sur Adult Swim. Non. On retrouve des vidéos pas mal sur YouTube d'Adult Swim, ils ont une chaîne. Oui. Oui. Et j'en avais conseillé un d'ailleurs à Clément, assez connu, hein, si vous regardez Adult Swim. The House has people in it. Yes, exactement. Voilà, j'ai sorti mon plus bel accent American pour vous dire le titre de ce film. Donc, vous n'aurez rien compris, mais c'est pas grave. Il sera dans la newsletter et sur l'Instagram et sur le Facebook. Ça vaut le détour. Mais oui, vraiment, clairement, ouais, ça vaut le détour. Donc, Kuzo de Flying Lotus. Ouais, juste de deviner par qui il a été soutenu en France. On en parlait il y a 20 minutes. Nicole ? Non, pas Nicole. non, Bertrand Mandico et Yann Gonzalez, voilà, ont beaucoup soutenu le film. Ah bah oui, bah ça ne m'étonne pas. Donc, Kuzo, Flying Lotus, qui est sorti chez Potemkin le 3 mars. Jean, je crois que tu voulais aussi parler d'un film d'un réalisateur qui a beaucoup compté pour toi, parce que tu aimes beaucoup le cinéma des années 70. Et là, il a un film d'Alan Pakula qui est ressorti chez Criterion en février. Et je crois que ça s'appelle The Parallax View. Ouais. Bah oui. Pour une fois, on va vous parler d'une édition DVD bien connue des cinéphiles, mais exclusivement américaine. Ouais, disponible en import, mais bon. Donc voilà, c'est toujours disponible en import. Donc voilà, un film qui s'appelle The Parallax View. En français, il s'appelle À cause d'un assassinat. C'est pas mal, mais le titre américain a bien plus de sens si vous regardez le film. Voilà, c'est un film de 1974 de Alan J. Pakula, son nom complet. Le réalisateur notamment de Jay, l'affaire Pélican. J, J-A-Y, hein, pas la lettre J. Ouais. Ouais, il a fait l'affaire Pélican, mais surtout, son film le plus connu, c'est Les Hommes du Président. Et en fait, Les Hommes du Président et The Parallax View font partie en fait d'un triptyque, d'une trilogie autour de la paranoïa des années 70, en fait, qui découle de à la fois de l'assassinat de Kennedy et du Watergate. Donc voilà, c'est un film pour la faire rapidement, qui commence avec l'assassinat d'un sénateur en haut d'une tour. Et puis on a un plan d'un coup sur ces fameux 7 juges de la Cour suprême américaine, hein, qui récemment, sous Donald Trump, a vu l'apparition d'une femme parmi ces juges, je crois. Il y avait déjà une femme. Il y avait fait. Déjà une femme. Bah oui, c'était la fameuse démocrate qui était Ruth Bader Ginsburg. RBG, ouais. RBG, oui, voilà, c'est ça. En fait, tout cas, à l'époque, c'était que des hommes, je crois. Ouais, bon, ça c'est. Dans le film, il n'y a que des hommes. Ouais, mais la Cour suprême américaine qui est un sacré contre-pouvoir. Et même un sacré pouvoir. Bref. Et donc, mais voilà. Un sénateur meurt. On a ces juges suprêmes qui nous disent, dans un plan assez mémorable en travelling arrière où tout est sombre autour d'eux, c'est vraiment voilà, l'image des juges suprêmes. Voilà. On ne peut pas le décrire mieux que ça. On pourrait parler de la République des juges dans un autre épisode. Et voilà. Ils nous disent qu'en gros, il y a toute une étude qui a été faite, enfin toute une enquête qui a été faite, et que c'est considéré comme l'acte d'un tueur isolé, ou l'acte isolé d'un tueur, je ne sais plus comment on dit, et voilà, qu'il n'y a pas conspiration. Même si ils nous disent que tous les journalistes pensent qu'il y a quand même quelque chose de louche. Et nous, en tant que spectateurs, je dévoile rien, c'est le début du film, on voit bien qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a pas qu'un seul homme qui est impliqué, quoi. Et voilà, ensuite, c'est en gros l'histoire de Warren Beatty, l'acteur qui est enquêteur, justement, journaliste, et qui va enquêter sur... qui était présent lors de l'assassinat de ce sénateur, et qui va enquêter sur cette affaire parce que, curieusement, ça fait 3 ans que ça a eu lieu, et sur ces 3 ans, il y a 5 ou 6 personnes qui étaient présentes lors de l'assassinat, qui sont mortes qui dans des circonstances, voilà, qui sont mortes de façon plus ou moins naturelle, accident de voiture, arrêt cardiaque, mais c'est quand même louche que 6 personnes dans une affaire aussi louche meurent les unes après les autres. On est dans la grande tradition du cinéma paranoïaque des années 70-80. 70, ouais. Non, mais c'était vraiment... Bah oui. Ça a été un courant, moi, qui me passionne. Et voilà, les films les plus connus sont, bien sûr, The Parallax View... L'affaire Pélican. Du même réalisateur... L'affaire Pélican, mais du même réalisateur à l'époque, il y avait Clout. Les Hommes du Président, et puis on avait Coppola qui faisait Conversation Secrète. Oui, et puis un petit peu de Palma aussi. Et Sidney Pollack qui faisait Les Trois Jours du Condor, et plus tard, évidemment, bah oui. De Palma qui fait le Blowout, qui fait vraiment qui directement vraiment, référence à l'assassinat de Kennedy. Ouais, ouais, qui est vraiment dans la même lignée. Donc, si vous voulez un thriller paranoïaque, vous pouvez voir The Parallax View, qui est ressorti donc chez Criterion en février. Et si vous aimez le film et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller ensuite sur YouTube, voir, vous tapez Jean-Baptiste Torré, dont on a parlé la dernière fois. Oh, Jean-Baptiste, JB, big up. Avec Parallax View à la suite, hein, et vous allez trouver une vidéo de bien 1h30 où... où il présentait le film à Enghien-les-Bains, je ne sais pas comment on prononce, mais Enghien, je crois. Enghien-les-Bains, ouais. Et voilà. Mais vraiment un film, moi c'est un film de chevet, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai découvert, je l'ai revu plusieurs fois. Vous avez la photo de Gordon Willis qui a fait, Willis. Qui a fait Le Parrain, ah. Et aussi Woody Allen d'ailleurs, c'est assez curieux comme ouais, film. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est une photo toute en clair-obscur où... qui colle complètement avec l'esprit paranoïaque du film, hein, vraiment avec des lumières qui sont... Des gens cachés dans l'ombre. Des gens dans l'ombre et des yeux dans l'ombre, souvent. Et oui. Donc voilà, c'était The Parallax View. Je pense aussi que vous vouliez parler d'un truc que vous avez regardé hier soir pendant que moi je suis allé me coucher, un film de Ronny Yu, non ? Qui est ressorti récemment. Ah oui ! Ouais ? Oui, c'était la femme de Chucky. Non, pas la femme, la fiancée. Autant pour moi. La fiancée, ils ne sont pas mariés. Oui, bah, oui, c'est vrai qu'ils ne sont jamais mariés. Et si tu as vu le film comme moi hier, tu sais qu'ils ne sont pas mariés. Jennifer au début veut ressusciter Chucky pour se marier avec lui, mais lui, bon... Effectivement, ouais. Il a d'autres idées en tête. Et donc, pourquoi on parle de la fiancée de Chucky ce soir ? Mais dis-nous, Clément. Parce que tu l'as vu aussi, hein. T'étais pas là hier, mais tu l'as vu. Je l'ai vu il y a plus longtemps. Alors moi, hier soir, pour tout vous dire, moi je dormais, voilà, parce que je suis un vieux papy, donc je me couche tôt. Donc les garçons, ils ont regardé La fiancée de Chucky sans moi. Mais je l'avais revu il y a pas longtemps, et disons que c'est assez rare de voir une... franchise se réinventer sur le tard. Pour parler un petit peu de la franchise Chucky, c'est quand même une franchise qui a toujours été supervisée par un homme qui s'appelle Don Mancini, qui a toujours été impliqué dans la production et l'écriture, si ce n'est la réalisation des suites de ce film original qui était Child's Play. Voilà. Ces dernières années, il y a eu un reboot qui a eu lieu, qui est d'ailleurs un des rares reboots réussis d'une franchise d'horreur des années 80-90. Un reboot, avec Aubrey Plaza, qui était surprenamment bon. Voilà. Et donc, La fiancée de Chucky de Ronny Yu, c'est un moment où, dans les années 90, la franchise se relance en introduisant le personnage de Tiffany, qui est joué par Jennifer Tilly, qui est en gros une femme obsédée par les tueurs en série et notamment... notamment celui qui a fini par prendre possession de ce corps de poupée, de ce corps de Chucky, qui réussit à remettre la main sur la poupée, à la ressusciter. Et puis, évidemment, c'est Chucky, donc ça se finit dans la mort. Et évidemment, au moment de sa mort à elle, Chucky va la transférer dans le corps d'une poupée. Et ainsi commence la petite famille de Chucky, dans lequel une famille qui se développera dans le film suivant, Seed of Chucky, voilà, où on verra Glenda, cet enfant très gender fluide. Pour un film des années 2000, c'était quand même assez en avance sur son temps, hein, quand on y pense. Voilà, un enfant à la fois homme et femme. Ça vaut le coup de le dire. Et donc voilà, La fiancée de Chucky s'est ressortie chez ESC Éditions le 17 avril. Et en fait, reparler de ce film, c'est aussi l'occasion de reparler de la saga. Parce que comme on vous a dit, il y a eu ce reboot avec Aubrey Plaza. Mais au moment où vous allez nous écouter, vous entendrez peut-être parler d'un autre reboot à la télévision qui est, lui, géré par donc Don Mancini, le créateur original du personnage de Chucky. Et donc, une série qui devrait arriver soit en 2021, soit en 2022. Et dont on attend beaucoup parce que voilà, c'est le créateur original du personnage, de la série. Donc on se demande un petit peu où il va l'envoyer. Donc voilà, c'est La fiancée de Chucky de Ronnie Yu. C'est ressorti chez ESC Éditions le 17 avril. Ressorti chez ESC donc. Mais voilà, on aime beaucoup Chucky. On a des t-shirts Chucky au moment où on vous parle. C'est vrai. Et c'est vrai que La fiancée de Chucky, c'était un super souvenir de jeunesse pour moi. C'est vraiment genre... quand c'était déjà très fun, Chucky, mais là, c'est vraiment encore plus fun. Il y a des vraies idées de mise en scène. C'est vrai. Il y a la musique de Rob Zombie qui est pas mal. Et voilà. Et puis en plus... Peut-être qu'il y a des vraies idées de mise en scène parce que c'est Ronnie Yu et que c'est quand même un mec, c'est un cinéaste hongkongais. Donc on connaît le cinéma asiatique, surtout d'action, d'arts martiaux, etc., qui est très chorégraphié. Et là, ça se ressent pas pendant les deux tiers du film. Puis à la fin, il y a quand même quelques scènes filmées du haut quand ils sont dans un cimetière qui sont très, très impressionnantes. Enfin, très. On se croirait presque dans un. Je crois qu'ils appellent ça le Wuxiapan, les trucs d'arts martiaux avec des sabres ou des épées asiatiques. Mais Ronnie Yu, il avait fait La Mario aux cheveux blancs, The Bride with White Hair, qui est un film très, très culte. Et puis après ça, je sais pas pourquoi, bon, il est venu aux États-Unis et tant mieux, hein, parce que j'aime beaucoup ce Chucky. Ah bah oui. Et il a fait également Freddy versus Jason pour l'anecdote. Ah, je l'ai pas vu. C'était bon ça ? C'est très fun aussi, je trouve. Ok. Non, moi j'ai beaucoup aimé ces poupées animées là. C'était, il y avait pas du tout de FX bah, ou quoi. Alors, oui, vraiment... bah oui, mais alors, non mais ça. Pour moi, en tant que, je connais un petit peu Chucky, j'ai vu quelques films il y a un moment, mais. Ouais. Pour moi, le point fort du film, c'était vraiment ce côté ces poupées animées. On ne sait pas trop si c'est de la pâte à modeler en stop motion par moment. Ou genre, bah oui. Il y a des sortes de... Je ne sais pas s'il y a un mélange de techniques ou quoi. Enfin bref. Bah, sûrement, mais c'est vrai que revoir La fiancée de Chucky aujourd'hui, ça nous rappelle la valeur ajoutée qu'il y a à filmer des choses qui existent réellement devant une caméra. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses ont une texture, ne serait-ce que le plastique, et que je vois ce que tu veux dire. Je trouve que les images de synthèse ont un peu désincarné des choses qui mériteraient de rester incarnées, notamment dans le cinéma d'horreur. C'est très rafraîchissant, voilà. J'aime beaucoup. Il suffit de voir The Thing de Carpenter et son reboot, enfin préquel... pour voir à quel point désincarner les choses peut casser complètement l'horreur et l'ambiance d'un film. Hein. Bah oui. Dans The Thing de Carpenter, par exemple, puisque tu en parles, on sait que les choses sont fausses parce qu'on le voit, mais en même temps, on voit que ce qu'il y a à l'écran, c'est une chose qui existe vraiment. D'un côté, on sait que c'est... du latex avec en dessous des mécanismes et des machines, mais en même temps il y a quelque chose de très réel, quoi. Enfin, il y a quelque chose de physique, et même vis-à-vis des acteurs, les acteurs jouent avec quelque chose. Enfin, tu sais, moi je me souviens souvent de cette histoire dans Alien où à un moment donné il y avait cet acteur qui était, cette prise a terminé dans le film, qui avait été vraiment effrayé par la sortie de l'alien du ventre d'un personnage. Mais parce qu'à un moment donné, il ne s'est pas retrouvé face à une balle de tennis, tu vois. Il ne s'est pas retrouvé face à une balle de tennis qui servait de repère pour, après, une incrustation en 3D. Non, il s'est retrouvé face à un alien qui sort du ventre d'une personne. Et même s'il est en plastique, ça joue, quoi. Et c'est vrai que revoir La fiancée de Chucky, ça nous rappelle les vertus, tout simplement, des trucages physiques par rapport aux trucages numériques. Ouais. Puis il y avait des vrais artisans à l'époque, quoi, en fait. C'était... Ce qu'on voit d'ailleurs. Enfin, moi, quand je regarde The Thing, moi, ouais. À aucun moment, je me dis que c'est du plastique, enfin, que c'est du silicone ou du plastique. Ouais. Hein. C'est Rob Bottin, c'est un des plus, sûrement le plus connu des artistes de VFX, enfin, effets spéciaux. SFX. SFX. Ouais. Et non, mais à aucun moment, je me dis que c'est du faux, quoi. C'est tellement, bah, oui. C'est tellement dérangeant, quoi, tellement ça a l'air vrai, et voilà, quoi. D'accord, donc Sin at the Sea, Kuzo, The Parallax Jewel, la fiancée de Chucky. Moi, je voulais aussi parler de quelques films voilà, qui sont sortis, que j'aime, que je pense mes comparses autour de la table aiment aussi. Alors, d'abord, Possession, qui est ressorti chez Le Chat qui Fume. Je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs le mois dernier du Chat qui Fume, qui est ressorti le 31 mars. Possession, un film d'Andrzej Zulawski, réalisateur notamment de La Fidélité avec Sophie Marceau. Possession, un film avec la merveilleuse Isabelle, l'unique, la seule, la vraie Isabelle Adjani, et avec Sam Neill, qu'on a notamment vu dans Jurassic Park. Voilà. Je voulais également parler un petit peu, très rapidement, de Trop belle pour toi, de Bertrand Blier. Trop belle pour toi, franchement, un film que je conseille à toutes les filles. Parce que les filles, ouais, on vous fait vraiment chier avec votre corps, avec votre apparence. Et Trop belle pour toi, Blier, on l'a taxé souvent de misogynie. Enfin bref, un peu compliqué, mais dans Trop belle pour toi, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de Josiane Balasko plutôt que de tomber amoureux de Carole Bouquet. Voilà, juste pour vous dire. Et c'est assez intéressant. Et ça, c'est ressorti en janvier chez Studio Canal. Donc voilà. J'ai repéré également un film de Claude Sauté, un cinéaste que j'aime beaucoup. Nelly et Monsieur Arnaud avec Emmanuel Béart, une actrice qui malheureusement est devenue trop rare. Un film de Claude Sauté qui ressort donc chez Studio Canal. Et enfin, un film plus récent, un film d'Emmanuel Mouret qui est sorti chez Blackout au mois de mars. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec notamment Camélia Jordana, avec Vincent Macaigne, Neil Schneider, Guillaume Grix. Voilà, un film qui nous met face à nos contradictions. Ce qui ne fait pas de mal, parfois. Et enfin, pour ceux qui, je sais pas, ont envie de passer un bon moment le dimanche après-midi quand ils sont seuls chez eux, une dernière fois, un film d'Olympe de Gé avec Brigitte Lahaie, dont on vous parlera peut-être plus longuement dans un prochain épisode, qui est sorti chez LCJ Éditions le 14 avril dernier. Et voilà, ça en fait des belles choses à voir entre Abel Ferrara, entre Philippe Grandrieux, entre tous ces films dont on vient de vous parler. Voilà, on espère que vous aurez de quoi fourrer vos lecteurs avec des beaux films. Mais d'ailleurs, je me rends compte, Lucas, que je crois que j'ai fait l'impasse sur un petit bonus, une petite pépite que tu nous as dégotée parce qu'on parlait de notre Philippe Grandrieux national, et je crois que tu as trouvé quelque chose, non ? Une archive ? Oui, tout à fait. C'est une rencontre inopinée dans une boîte de nuit. Ouais. Ouais, c'est ça. Entre Philippe et un vieil ami de on ne sait pas trop où, d'ailleurs. D'accord. Ben, écoutons ça, non ? Philippe ! Oh, bordel ! Qu'est-ce qui se passe, Philippe ? Je savais que c'était toi ! Il m'a dit que non, que tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe. Ça va, ton pote? Mec. Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Embrasse-moi, mon lapin. Fous-moi, la bête. Fais pas ça, Philippe. Et que personne ne bouge. Tournez-vous, tournez-vous. Philippe. Posez vos mains sur la table. Philippe. Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en ronde, Philippe? Retourne à ta place. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Retourne à ta place. Oh, du calme, merde. Ça va, retourne à ta place ou tu vas en prendre plein la gueule. Police, un geste et je te descends. Ne bouge pas! Et tourne-toi, hein! Dis donc, Rose Walter, sacré bon dieu de flic, tu sais. Désolé d'avoir troublé le spectacle. Tout est en ordre. Bon, bah, et Lucas, merci. Hein. Mais de rien, franchement. Heureusement que tu fais ton travail de documentaliste avec un sérieux irréprochable. Ah, attendez. J'entends quelque chose. Ah, mais c'est la sonnerie de notre répondeur. Et ah, il semblerait que quelqu'un nous ait laissé un petit message. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure de... Bah, message personnel. Ah oui, message personnel. Allez, générique. Allô? Messagerie Orange, bonjour. Allô? La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Allô? C'est ridicule. Merci de patienter, nous traitons votre demande. Allô? Le numéro que vous avez demandé... Madame, que voulez-vous que j'y fasse? ...ou n'est pas accessible. Vous votre êtes très désagréable. Mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Alors Jean, pourquoi est-ce que tu n'expliquerais pas à nos auditeurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté le pilote de notre émission, le principe, s'il te plaît, de cette rubrique? Eh bien, c'est très simple. Message personnel, c'est... Vous avez un petit tracas, un petit souci, quel qu'il soit, vous nous appelez, vous nous laissez un message, oui. Ou un SMS, comme oui. Vous voulez, et on va tenter de trouver un film, une série, une musique même, oui. Pour vous aider à passer ce petit pas qui voilà. Vous dérange. Et cette semaine, on a reçu notre premier vrai message. Parce que la fois dernière, on a fait un truc complètement bidon avec moi qui imitait un accent suédois de manière très allemande. Voilà, écoutons. Un message d'un auditeur qui répond au mystérieux pseudo de Floufouille. Also known as La Flouille. Donc voilà. Hello Amelone, grand regardeur de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vu I Know This Much Is True de Derek Tian France? Floufouille est français, non? Oui, Floufouille est français, clairement. Mais merci pour le message. Bah bien sûr. On est très contents. Bah oui, et on va essayer de t'aider. Donc, I Know This Much Is True. Alors, qui l'a vu autour de cette table? On l'a tous vu, enfin... Toi et moi, Lucas, je sais qu'on a vu un épisode. Moi, je l'ai vu en entier. Ouais. Jean, tu l'as vu en entier. Essayons d'aider un petit peu la flouille. Donc, I Know This Much Is True, si je ne me trompe pas, c'est une série qui date de 2020. C'est une série donc, de Derek, je ne vais pas réussir à le prononcer mieux que Floufouille, de Derek Chanfrancais. Pourtant, il y a France dedans. Hein. Bah ouais, il y a France, mais bon, on ne sait pas si c'est italien ou quoi. 6 fois 55 minutes, diffusé dans son pays d'origine, les United States of America, sur HBO, en France sur OCS et Amazon Prime Video. Une série avec Mark Ruffalo x2. Puisqu'il joue à la fois... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, non. Ouais, ah non, ça, non. Je confonds avec Hulk, pardon. Oui, c'est oui. Hulk, ça. Bah, on va en parler. On va en parler, je pense. Mark Ruffalo qui joue deux rôles, donc Dominique, un schizophrène et son frère jumeau qui ne l'est pas et qui du coup s'occupe de lui. Mm-hmm. Une série aussi avec Melissa Leo. Je crois que c'est une actrice que tu aimes beaucoup, toi, Lucas. Oui, Melissa Leo, elle m'avait beaucoup marqué dans la série qui s'appelle Trémé, en fait. Qu'elle est dans Trémé. Ouais, qui parlait de, enfin, en fait, d'un quartier aussi. De la Nouvelle-Orléans, après l'ouragan Katrina. Qui parlait beaucoup de musique, en fait. J'ai beaucoup aimé cette série qui s'est arrêtée trop tôt, d'ailleurs. Parce que tu aimes la musique. Oui, donc avec Mark Ruffalo, avec Melissa Leo, avec aussi dans un petit rôle, comme on dit, Guillermo Diaz, un acteur qu'on avait, que j'avais, moi j'avoue, découvert dans Weeds, que j'aime beaucoup. beaucoup. Donc voilà. Pour ceux qui n'identifieraient pas ces gens, Mark Ruffalo, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, Hulk dans les films de Marvel, les Avengers et compagnie. Et donc, comme on l'a dit, dans cette série, il joue deux rôles, le rôle de Dominique et de son jumeau, tout comme d'ailleurs dans une autre série HBO. Ouais, du créateur de Tremé. Ouais, une série de David Simon qui s'appelait The Deuce. The Deuce, ouais. Voilà, et avec James dans Franco, lequel ouais. James Franco jouait deux jumeaux. Et alors, je ne sais pas si Jean, toi, tu avais regardé The Deuce. Si, j'avais vu. Ouais. Tu avais regardé. Et alors, moi, pour le coup, bon, je n'ai vu qu'un épisode hein, de I Know This Much Is True, mais je trouve l'effet beaucoup plus convaincant dans cette série que dans The Deuce. Je trouve que dans The Deuce, il y avait quelque chose d'assez artificiel, alors que là, entre guillemets, j'y crois. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnages. Alors que, bon, dans The Deuce, je sentais vraiment la colure, quoi. Entre d'un côté les plans qui avaient été filmés avec James Franco en mode Frankie et James Franco en mode son frère. Ok, moi ça marchait plutôt dans les deux, mais ouais, je peux ça comprendre. Dépendait, je peux ça voir dépendait, ce que tu veux dire. Ça dépendait des séquences, mais en tout cas, voilà. Moi, par exemple, l'endroit où j'ai trouvé que cette série touchait du doigt quelque chose et quelque chose qui est potentiellement dur, c'était dans la manière qu'elle a de montrer de manière très juste ce que c'est, par exemple, d'être un aidant. Voilà, c'est un mot qui est très à la mode depuis quelques années, parce qu'on commence à enfin reconnaître le travail et le sacrifice de ces personnes-là. Ce que c'est que de dédier une partie ou même... souvent l'entièreté de sa vie, au bien-être de quelqu'un d'autre qui ne peut pas, qui n'a pas son indépendance forcément, ou en tout cas qui a besoin de quelqu'un pour pouvoir être bien. Et je trouve que ce qu'on voit dans ce premier épisode, c'est le poids de cette responsabilité, ce que ça peut avoir de sacrificiel, de devoir, de vouloir s'occuper de quelqu'un, de se préoccuper du bien-être de quelqu'un avant son propre bien-être. Et qui implique parfois des décisions qui sont un peu ambivalentes. Ben oui. Notamment dans cette scène où donc l'un des deux frères se coupe une main et finit à l'hôpital. Se retrouve aux urgences et décide que l'autre frère, c'est qui ça, à un moment donné, doit choisir si on lui rattache sa main ou pas. Voilà, c'est ça. Et donc les médecins le mettent devant le fait accompli. Il faut qu'on lui rattache sa main, puisque apparemment c'est absolument... indispensable. Le frère insiste pour dire que c'est vraiment pas quelque chose qu'il veut. Enfin, c'est quelque chose qu'il... Donc là, on est dans une urgence. Il voulait se séparer de sa main, et c'est comme ça. Ce frère décide que cette main ne fait plus partie de lui. Ouais. Et son frère va accepter ça. Oui. Il va dire au médecin, rattachez pas cette main. Oui, il va s'isoler. Écoutez-le. Oui, c'est ça. Voilà. Et rien qu'en un épisode, ça raconte beaucoup de choses sur ce rapport d'amour et d'abnégation qu'il peut y avoir entre... une personne qui s'occupe de quelqu'un et cette personne dont on s'occupe. Enfin, je trouve que ça, c'est montré d'une manière assez fine. Ça montre bien la patience qu'il faut pour endosser ce rôle-là, la force qu'il faut aussi. Enfin, c'est assez déchirant, d'autant plus que ça montre bien que, je trouve, les individus ne peuvent compter que sur d'autres individus. Je trouve que dans ce premier épisode, on voit bien que le système, la société en général, ne sera pas d'un secours vis-à-vis de ces gens-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent d'avoir pris cette décision. Bien sûr. Les médecins au début de l'épisode, les gens qui enferment en prison, donc ce frère qui clairement n'a pas sa place en prison sous prétexte que voilà, il a été jugé dangereux et qu'à un moment donné, l'administration a décidé qu'il fallait qu'il aille dans un endroit alors qu'en fait, il n'y appartient pas. Enfin bref, tout ça montre bien la difficulté à être à cet endroit-là. Vis-à-vis de la société, vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Voilà. quand on défend sa vie. À défendre un point de vue qui s'oppose à toutes les valeurs sociétales. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais même avant de parler de l'image, moi, je l'ai vu en entier, cette série, bon, il y a presque un an, hein, mais, ouais. Mais je m'en souviens pas beaucoup. Mais parce que je suis pas rentré dedans totalement, même si, évidemment, je trouve ça quand même assez fort. Mais je pense qu'en fait, c'est, si vous voulez découvrir la série, c'est 6 épisodes de 1 heure, 6 heures. Ouais. C'est une série qui demande quand même un certain investissement. C'est pas facile à regarder. C'est dur. C'est assez dur. C'est oui. Très. On est vraiment dans le drame. On pourrait dire presque misérabiliste, hein, concrètement. Mais. Je vois ce que tu veux dire, oui. Il tient le ton. Enfin, c'est pas. Oui, voilà, c'est pas. Il y a la maladie mentale, la misère sentimentale, le cancer. Ah oui, puis il arrive vraiment à chaque fois. Il me semble qu'à chaque épisode, voilà, il y a vraiment beaucoup totale, de trucs quoi. Très durs. Enfin, c'est la totale. Ouais. Et. Mais donc, voilà, en fait, moi. Ce que je peux dire, c'est que, voilà, si en France, direction en France, le mec qui a fait la série, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup quand même, parce qu'il a fait Blue Alors, Valentine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oui. fait Blue Valentine, voilà, je crois que c'est son premier film. Qu'à l'époque, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça incroyable, avec ouais, Ryan Gosling parlé, et. J'ai pas vu. Ryan Gosling et. Comment elle s'appelait déjà Carey Mulligan? Non. Michelle Williams. Michelle Williams, ouais. C'est l'autre blonde. Voilà. Bah, elles sont souvent confondues, mais, ben, mais ouais, c'était assez impressionnant. Et en fait, il a un talent, ce mec, pour clairement raconter des histoires sur le temps. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont toujours des sortes de sagas. Ouais. Et dans Blue Valentine, il faisait ça, mais genre hyper bien, une histoire d'amour vraiment avec tous les gros drames d'une histoire d'amour et les meilleurs moments de la rencontre à... Bien après la rupture de mémoire. Ça me rappelle un peu Normal People. Ouais, ce que tu mais racontes. Il faisait ça en 1h52. Donc c'était assez impressionnant parce que c'est rare au cinéma d'avoir vraiment des histoires d'amour qui sont crédibles et qui sont très proches du réel avec tous les moments très très très très, très durs. Vraiment, c'était assez impressionnant. Et après ça, pas étonnant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait The Place Beyond the Pines, qui avait déçu pas mal de gens, mais que beaucoup de gens adorent. C'est un film qui a l'air de diviser pas mal. C'est soit on adore, soit on est déçu. Mm-hmm. Bon, il y avait le côté Ryan Gosling qui... Ouais, enfin, on va pas dévoiler l'intrigue, mais voilà. Mm-hmm. Il y avait un truc autour de Ryan Gosling dans ce film. Mais en tout cas, ouais, ça se passait sur pas mal de temps. Et c'était quand même... Enfin, moi, à la revoyure, j'avais beaucoup aimé, plus qu'au cinéma. Et ça durait 2h20. Et après, bah, forcément, c'est assez logique, en fait. C'est un mec qui aime raconter les choses sur le temps. Le temps qui passe. C'est sa première série, là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Après 1h52, 2h20, bah, il fait une série de 6 heures. C'est sa première série. Qui, à mon avis, il traite comme un film, en fait. Hein. Pour lui, je pense que c'est comme faire un long film. Et c'est la série qui lui permet de faire ça. Oui. Et voilà, 6 heures, c'est très bien. Hein. Et 6 heures, ça pourrait passer au cinéma en soi, hein, mais c'est plus rare maintenant. On a des films qui sont sortis comme ça, Satan Tango, des trucs. Ouais. Mais c'est plus compliqué aujourd'hui de sortir un film de 6 heures. Hein. 3 heures, oui, 3 heures puis... Avengers. Maintenant, c'est Avengers qui fait c'est des plus longs films. C'est vrai que le blockbuster américain a un peu ramené la barre de 1h30 à 2 heures. Ouais. Ou à 3 heures. Ou à 3 heures, mais, enfin, mais c'est plus rare. Quoi. Mais c'est plus compliqué pour le drame et les films indépendants. Quoi. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça, là, c'était parfait pour lui pour développer vraiment quelque chose de, comme une saga. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont comparé, j'ai lu sur Internet, le film à notamment au Parrain 2, je crois. Par rapport à des thématiques. Oui, de relations. Mais ça fait trop longtemps que j'ai vu le parrain, mais... Moi, je me rappelle très bien de ça. Et moi, c'est un truc qui m'avait frappé. Un autre truc, je sais plus quoi, mais... Mais ouais. Mais si. Et mais voilà, c'est quand même très fort. Mais ouais, du coup, tu me relançais sur la photo. La photo est vraiment, ouais, pour le coup, est très belle. C'est du 35 mm. Bon, voilà, c'est assez rare pour le préciser, pour une série, en fait, surtout. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a encore des films qui sont en pellicule, mais pour justement. Des séries en pellicule, c'est rare. C'est et c'est le chef-op. Film qu'on a beaucoup aimé. Ouais, c'est le chef-op. Bah, moi, ça m'y fait même presque penser, là, en voyant le premier épisode. Ouais. Il a fait Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Oui. voilà, dont on a parlé rapidement la dernière fois parce qu'il a fait Margaret, mais on en parlera. En fait, on veut vous parler de Margaret parce que ça a été réédité par Criterion dans une version intégrale. Le problème, c'est qu'on ne vous en parle pas parce que le DVD n'est pas encore en Europe. Et surtout, en fait, on a l'impression que cette réédition, elle n'est pas un remaster de qualité, en fait. Enfin, bon, bref. Il y a plein de problèmes autour de la réédition de Margaret. En tout cas, voilà. Le chef-op de I Know This Much Is True, c'est donc le chef-op de Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Kenneth Lonergan qui a fait un film très très beau et qui il a eu beaucoup de mal à terminer avec Anna Paquin, une actrice qu'on aime beaucoup, qui s'appelait Margaret, voilà, qui l'a tourné à New York. Et qui a fait un premier film avec Mark Ruffalo, avec donc Mark comme Ruffalo. Par hasard, voilà, et on est quand même dans des... Il y a un lien. Enfin, moi, en revoyant le premier épisode, j'ai pensé à Manchester by the Sea, justement, parce qu'il y a une scène où il se débat un peu avec les flics, là, le frère qui n'est pas schizophrène. Et ça m'a presque fait penser, même fortement penser, à la scène avec Casey Affleck dans le commissariat dans Manchester by the Sea, quoi. Ouais. Donc voilà, il s'appelle Jody Lee Lives, ce chef-op. Il a fait également le premier film de Lena Dunham qui s'appelait Tiny Furniture et la première saison de Girls dont on a parlé, il me semble, au premier épisode. Comme quoi, dans le cinéma, dans les séries, à l'écran, tout se recoupe tout le temps. Voilà. Écoute, Flouflouille. J'espère que ça t'aura aidé à te décider pour savoir si oui ou non tu vas regarder I Know This Much Is True de Derek, je ne sais pas prononcer son nom. Et si, comme Flouflouille, vous n'êtes pas bien, si vous cherchez un remède filmique au mal qui vous ronge, si vous vous demandez si ceci ou si cela vaut la peine d'être vu, n'hésitez pas à nous laisser un petit message personnel ou non au 03 74 44 89 49, prix d'un appel local, numéro non surtaxé. C'est le numéro de notre répondeur. On écoute tous les messages, on répond à tous les messages à l'antenne ou hors antenne. Et donc, voilà, c'est la fin de ce fragment d'épisode. On espère que vous apprécierez ces quelques recommandations et ce moment plus court que le précédent, passé en notre compagnie. On vous retrouve dans 15 jours pour les chroniques de l'Interlace, notre moment discussion, et pour Qu'est-ce que le cinéma ? Notre nouvelle rubrique courte dans laquelle on s'entretient avec quelqu'un qui fait des films. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous écrire à l'adresse suivante si jamais vous avez des retours à nous faire, des films ou des séries à nous conseiller. homelonecinema@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Dans quelques jours, on vous parlera d'Internet, de l'esprit d'Internet. On se demandera si ce merveilleux lieu est toujours le village global tel qu'il avait été pensé au moment de sa création. Mais d'ici là, tout comme Kevin, n'oubliez pas de vous laver complètement avec du savon, même vos petites fesses, vos petits doigts de pied et votre petit nombril, et surtout d'aller faire des courses en ville si vous n'avez plus de brosse à dents. Voilà, on vous fait des gros bisous et exceptionnellement, pour cet épisode, on vous quitte en musique avec une musique qui n'est pas une musique de film, mais qui est une musique d'un artiste que nous apprécions beaucoup et qui nous a quittés récemment, Christophe, avec Alan Vega, que nous écoutions tout à l'heure. Bonsoir. Infinity's prison, the creature made of war. Take the plane to Saturn. I'll follow the Indian, celebrate their Lord. He knows Mr. Cheyenne. Hey, it's a crucified flow.